rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Et c'est parti juste après du full coup d'envoi de cette nocturne 100% rap français. Une belle nocturne. Hein. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, la session classique avec les snipers qui débarquent. Et là, pendant une heure, il est là, il est installé. Et ouais, ouais, ouais. Il est de retour. Et quel plaisir de le retrouver en pleine forme, Mister You est là. Mister You Gataga. Comment va le grand méchant You? Ça va, merci frérot, et toi? Eh ben, en pleine forme. Fait vraiment plaisir de te retrouver. Merci, voilà, moi aussi, ça fait plaisir. Parce que tu avais disparu pendant trois ans aussi. De temps en temps, donner des petites nouvelles, mais tu redisparaissais. Ouais, par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Mais nous revoici, nous revoilà. Et nous revoici avec grand plaisir avec un projet qui est sorti aujourd'hui. Ouais, le grand méchant You. C'est dans les bacs. Grand méchant You, c'est un retour, c'est pas un album. Non, c'est plus. C'est une mixtape. C'est une mixtape. Voilà, c'est pour poser une première pierre à l'édifice et on va continuer. Après ça, il y aura beaucoup de projets. Pour se faire plaisir. Voilà. Bon, tout va bien? Tranquille, franchement. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces trois années? T'as voyagé? Ouais, j'étais en Espagne, j'étais au Maroc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été en tournée, j'ai fait beaucoup de concerts. Oui, il y a eu beaucoup, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a aussi beaucoup de tournées, c'est pour ça qu'on dit que t'as l'impression que t'es un peu moins là, mais t'as beaucoup, beaucoup tourné. Ouais, à mort. Mmh. Franchement, à mort. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de villes, que ce soit la France, l'Espagne, le Maghreb, franchement, ouais, la Belgique, la Suisse. C'était après toutes les aventures qui ont pu t'arriver. Ouais, toutes les galères. toutes les galères. C'est beaucoup mieux comme ça. T'as pris 3 ans, mais 3 ans un peu plus tranquille. Ouais, franchement, ouais. C'était 3 bonnes années. 3 bonnes années pour souffler. Ouais, franchement, ouais. Donc là, de retour, est-ce que tu as pu justement prendre un petit peu de recul sur ce que tu as vécu, ce qui s'est passé? Ouais, c'est pour ça. Franchement, j'étais parti vivre en Espagne. Mmh. Dans un pays non francophone, pour prendre un petit peu de recul sur tout ça, vu qu'en plus, je pouvais pas sortir d'album. Donc. Franchement, ouais, j'ai reculé pour, je l'espère, mieux sauter. D'accord. Donc pendant ce temps-là, t'as pas oublié la musique, tu guettais quand même une oreille sur ce qui se passait. Non. Vite fait, je te mens pas. Pas trop non plus. Pas trop de rap français. Ouais, en Espagne. T'as eu en Espagne, j'étais beaucoup reggaeton. Moi, de toute façon, à la base, j'écoute pas trop de rap, je te mens pas. J'écoute souvent les sons à l'ancienne, mais je suis plus reggaeton. Tu sais, les trucs, Cheb Hasni aussi. Tu sais, du rail. Ouais, je suis plus dans ce délire-là. La connexion entre l'Espagne, le Maroc. Voilà. Les instrus aussi, j'écoute beaucoup d'instrus. Ouais, il paraît que t'as beaucoup bossé par contre. Ouais, j'ai beaucoup de sons qui dorment que j'ai pas voulu sortir justement dans ce projet parce que je trouvais qu'ils étaient un peu vieux. Et pour un coming back, je voulais vraiment de la fraîcheur. Donc la plupart de tous les morceaux qu'il y a dans ce projet, c'est que de la nouveauté. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce projet où tu t'es dit allez bon c'est bon je ressors un projet là je vais le sortir le 18 novembre, il y a eu un élément ou pas déclencheur? Ben ouais, c'est qu'à la base j'étais bloqué juridiquement. Oui, c'est vrai que voilà. Dès qu'ils m'ont débloqué, j'ai dit bon là c'est bon, on va commencer, voilà. Et j'ai été libéré en juin dernier, donc voilà. Mon contrat, t'as que des histoires de les. Voilà, les... Mais c'est pas la prison, c'est les contrats, on est toujours putain, enfermé. Merde, tu t'es toujours enfermé, ouais. Ma vie c'est une galère. C'est un truc de fou quoi. Je te jure, ouais. Mais ça va, dès que ça s'est arrangé, ensuite t'as eu l'été, t'as eu le ramadan, je partais en tournée justement après aussi, donc je pouvais pas sortir. Et à la rentrée, je me suis enfermé vraiment en studio pendant un peu plus d'un mois. Et j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur ce projet, je me suis mis vraiment à 400%. Et bon, on va pouvoir découvrir ce soir le grand méchant You. Et là je crois même qu'on va débuter avec c'est quoi, une session plutôt medley? Ouais, une petite medley, on va se faire une petite nocturne. On va se faire des petits sons à l'ancienne, des petites nouveautés, des petites exclus, on va se faire un peu de tout. Et bah coup d'envoi de cette nocturne, c'est Mister You est là avec nous. Aïe aïe aïe. Belle ville. Tous les frères et sœurs incarcérés. La rue, puis la prison. Ouais, Jamel. Dire un bâtard de m'écrire, autant dire à Fadjo de m'écrire. Demain, ils vont pleurer, donc aujourd'hui, je laisse les m'écrire. Nos vaches, si on peut les prendre, on va les traire. C'est m'écrire. Ma bite, ouais, ils ont pris nos terres, donc faut qu'ils crèvent. C'est m'écrire. Eux m'ont crié, en train de mettre ma bite dans leur cul. Ils n'ont fait que me pister, car pour me sauter, valait du recul. 7-5, mon matricule, ça défouraille au crépuscule. Celui qui veut testicule, vu que nous s'en bat les testicules. Plastiqué, ma cellule, j'ai tout dans le cul, plastifié. On ne peut pas l'identifier, mais c'est du sim certifié. Petit frère, leur parole, c'est de la merde, faut pâtifier. T'as beau être fort à l'école, ils te conseilleront de pâtissier. Tout dans l'exemple. C'est baptisé, on regrette Tony et petitisé. D'une balle on peut te viser après avoir sympathisé. Petitisé, tranchant, c'est comme un coup de couteau. C'est bouillant comme un toto poteau. C'est clair comme une goutte d'eau. Les petits oiseaux dans le ghetto, ils béton avant de savoir voler. Parce qu'ils s'achètent un pistolet pour plus vite se rafistoler. Pédé, si tu sais sucer pour personne pourra le pistolet. Jadis c'était sur 6, maintenant sur 24 pistolets. Soit attention, attention mesdames et messieurs. Dans un instant, ça devrait vous crever les yeux. Nos avocats, c'est une sous, nous avons cas. C'est le zoo, on sait pas ce qui se passe. Mais bon en tout cas, c'est le sou qu'on sait pas dans. C'est le sou, par contre on s'est frotté les calves. Vu on s'est chiné une pute, sans lui payer ce qu'elle veut. On fait un vœu, que devant un ouinge à quatre feuilles. On est les petites vieilles, que pour slacker leur portefeuille. On vend charbon, quand y'a fouille, dans le cispon. Quand y'a fond, quand y'a fond, quand y'a fond, quand y'a fond, quand y'a fond, quand y'a fond, quand y'a fond, quand y'a fond. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pep Younes m'a vive. Des fois, appeler Younes, c'est pas une super idée. J'ai un seul complexe, c'est celui de supériorité. Chez moi, le runner 180, certaines s'envoient plus qu'à eux. Je suis sous contrôle, fin. Ils sont toujours de mauvaise humeur. Venez tester mon tchèque, car c'est sûr qu'on va vous niquer vos mères. Amateur de sky, cherchant à style juste à vomir. À vos marques, bref, c'est bon, t'éclate au camas de gras. Mets-toi à genoux et juste un position du camas de gras. Au micro, j'ai la bouche propre, parce que j'embrasse pas les seins. J'passe pas l'époque, non, j'préfère ces chronos 6. Quand il trop, il me faut un pompe. J'trouve que trop, il me faut une planque. Dans mon gang, j'suis un pacha, c'est pas au chat que j'donne ma lampe. Quand j'frotte ma lampe, j'n'en va sortir que des litres de sperme. La cesse allemande, dans l'arrêt du cul, j'trouve de sport au trou. Puis dehors, j'prends l'autoroute pour l'import et export. Certes, j'suis instruit, faut pas que baiser une truie pour être spell. Fixe ou regarde nos gueules, chez nous on ne verra pas en tremblant. Nos murs ne s'appellent pas Michael, mais quand même faudrait l'air peindre en blanc. Si on bord d'une falaise, ouais, j'pourrais te passer qu'un tremblant. Ouais. J'te ferai cogiter comme un mec a fait qu'un tremblant. Mystérieux, regarde ma gueule, chez moi on ne verra pas en tremblant. Mes murs ne s'appellent pas Michael, mais quand même faudrait l'air peindre en blanc. Si on bord d'une falaise, j'pourrais te passer qu'un tremblant. Ouais. J'te ferai cogiter comme un mec a fait qu'un tremblant. C'est pas mis... C'est pas pour Elise cette lettre, j'parle trop de chiffres et de litres. J'rappe à l'arbalète, j'vois les j'fonds quand j'n'avais. C'est pas pour Elise cette lettre, j'parle trop de chiffres et de litres. J'rappe à l'arbalète, j'vois les j'fonds quand j'n'avais une vitre. C'est pas pour Elise cette lettre, j'parle trop de chiffres et de litres. J'rappe à l'arbalète, j'vois les j'fonds quand j'n'avais une vitre. Y'a trop de keufs dans le 19, la liberté ça court vite. Tellement d'histoires de pointe que même une pute on la fourre vite. Comme dit Mesrine, pour la liberté j'saute la santé. Mes ennemis j'm'en charge, mes frères j'les représente. J'galère la police avec ce thème de cinglé. Le chef n'est pas Nice, la promenade n'est pas aux Anglais. La rage mon gars, elle est comparable à celle des dents. L'avocat prêche pendant que le juge presse la détente. Remercie la défense, libérable, laissez la renaissance. Libre de sortir, telle une balle de son calibre. Suis-je libre de dire ce que bon me semble. Bon sang, on a appris à brasser dans un bain de sang. On rêve en se pinçant, nos blessures n'ont pas de pansement. Autant que ces joies, nos cerveaux se concentrent tout en se tassant. Le Heps, c'est pas Nice, la promenade c'est pas aux Anglais. Les roses au sky s'épanouissent là où mes refs reposent en paix. Elles font pas un PC, tu qu'en France c'est comme aux States, la liberté. Bah c'est qu'une statue. Le Heps c'est pas Nice, la promenade c'est pas aux Anglais. Les Heiners s'évanouissent, la meuf repose en paix. L'excès est dans l'excès, sais-tu. Qu'en France c'est comme aux States, la liberté. Bah c'est qu'une statue. Dans ce passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une, c'est passé qu'une. On ne prête qu'aux riches ou à ceux qui font semblant de l'être. Montrez-moi la niche et je vous dirai la race du maître. Si tu cherches la merde, dans sa belle ville on ne sait pas dire non. Aux meufs et aux keufs, 20ème 19 on ne fait que tirer. Quand j'ai baisé une seconde, j'ai dit c'est que l'étirement. C'est un vol à la tire, ta folle sur ta vol c'est qu'à la tire. Non, tu ne penses pas, toi comme un contagieux. T'aimes pas partager de peur que le bien soit contagieux. T'es qu'un var creux qui ne fait que se gaver, finir à le ventre creux. Je dis à genoux 5 samedi ne valent pas un vendredi. On craint, je sais pas ce qui trottine. Mon plus beau rêve serait de revoir Bachir ou les deux mamas des patrons. La rue c'est pas haute, demande au poteau Diawara. J'puis grave du shit, v'la oui. J'puis cry de la wawa, j'suis fire, c'est crié. Dealer John, rien d'anodin, y'a pas que le 14 février. Qu'on est que la mer à Valentin. La vie c'est morose, la ouette demande à Malik. Faut des couilles de rhinocéros, très haut pour jouer dans Malik. 1492, ils ont découvert l'Amérique. Aujourd'hui dans le 92, ils retrouvent du shit vers l'Amérique. Ok, moi j'l'aime ça fort. Quand t'es petit, ta daronne, je l'ai aidé à porter ses courses. Aujourd'hui, si je la vois, je la rage, je les veux, j'ai la course. Alors Clément, de 36, tu fais pas de crise d'épilepsie. Tu ravales pas ta gueule, tu surveilles pas ton lexique. A cause de toi, ça l'a boîte, j'ai pas fait l'hiver au Mexique. Dawa, je vais pas te rater, je vais te fumer comme un vrai stick. J'ai quitté Belle Magie, ils ont opté pour l'inertie. Bazou m'a dit que l'OPJ n'a pas arrêté de dire merci. Dis, non, grand fils de pute, je vais te niquer tes morts. Ta mère et ta grand-mère, la pute, un bouc avant-garde. Ta voix et le diplôme du bras. Mettre un hic et le bras, pour te fumer m'faudra un cantin. Gros tu mérites une rafale, j'vais engager les petits de la place. Au 14 rue Répéval, et revenir t'allumer ta race. A cause de toi j'suis en cavale, paraît que tu kiffes les bananes. J'ai vu le 36 à Poyeman et j'étais dans la caravane. T'as vu la rue c'est pas haut, t'as su c'est la faut que t'avales. Gros même derrière les barreaux, j'représente toujours pas là. Non pas les couilles faut que j'assume, ou Kataka faut que j'assure. La promenade c'est pas aux anglaises, trop fin sur la côte d'Azur. Non pas les couilles c'est que j'assume, ou Kataka c'est que j'assume. Doute c'est que j'assume, doute c'est que j'assume, doute c'est que j'assume, c'est que j'assure. Comment pour ça que les métros tard, yeah. Trop grave car faut que je me cause trop tard. Comment faire pour avancer quand dans tes roues y'a des troncs d'armes. Les histoires se crament ou tes affaires de litro et d'armes. Si mon kataka demande à YKS 24 ans pour une marette donc autant bécrave la cesse. S c'est Chinkada mais la gasolina. Zougata, dédicace à Nina. c'est l'orphelinat. Pas de bras des d'Angelina. On trouve pas que de la merde dans le trou de pas de la Tijulina. Commissaire des cocaïna, ça se pourrait que ce soit la mienne. Car chez moi ça se niffe pas, mais ça m'y grave que de la yes. Zougata, ouais, ouais, j'compte arriver comme Marlowe. Sur la tête, sans sucer, je traverse le Marbalo. SC, Nick, Jean-Luc, Luc et Chéri. C'est le volume de la grosse chiffre qui va te faire faire le don du péril. Dans la street, on veut sa street, on veut sa street, on veut sa street. On se dédicace, RQC et Michael. On lance plein de crack pour chier, on parle pas d'ouvrir un thé. J'ai deux oreilles et une bouche pour écouter le double de ce que je raconte. Ou Kataka, tu veux que je te parle de la galère? J'ai pas attendu l'épiphanie d'Awa pour vendre la galette. PWY, NTC, NRK, ok. Ou Kataka, tu veux que je te parle de la lerga? Un jour je me baladais sur le terrain, j'étais serein. Un mec stock m'a voulu se taper, il s'est mangé les coups de serein. Un autre jour, il y avait plus de taga, c'était la galère. Y'avait un losbo, là tu le rates quand on lui disant on passe à l'heure. Ou Kataka, oui, le man à gangsta. Pour apprendre à conduire, bah j'ai volé des fards de fiesta. Big up, sambou, siabou, hibou, abou et chicabou. Une cave pousse un détail tout, non, non, ça n'a pas de sujet tabou. Ou Kataka, tu veux que je te frappe la galère? J'ai pas entendu les compagnies, t'as pour vendre la galette. Qu'une parie me lâche, Marta ou niche la manette. Safe donné, cellule, crate, qu'à la planète. Ou Kataka, j'en veux à toute la terre. C'est un plan, je suis bouillant autant que le cœur d'un cratère. Je récolte des dollars, mais j'aime que de la merde. Je n'adore qu'Allah, je n'aime que ma mère. Mais on fait contre la qu'un shampoing. D'après vous, vous descendez du babouin. Fils d'Atameta, ouah, on fonde pas en musulman. Notre rap c'est de la wawa, Inch'Allah il se vendra facilement. D'après mon profil délinquant, plutôt juvénile. D'après mon possible, le public n'est pas sur mes lignes. Déploie mon pseudonyme, Gérochrome. C'est le rap en deux lettres. Troisième prototype, quel brigade. Section criminelle. D'après les infos, je suis figé. Jerry Zelt. Ça sent le shit, l'été bout de salade. D'après les oignons, c'était un as. Vas-y, banque et braque. La poudre et l'acier, featuring. Dans les banques et braques. D'après le chef d'état, faut se réjouir de ce qu'il insinue. D'après la cité, lors d'une fouille, c'est sans base nu. D'après le ministère, faut construire pas mal de cellules. D'après les colons, c'est d'Afrique que viennent les virus. D'après ma nature, je suis passif, je m'en bats les yeux. D'après les puristes, c'est du lourd, section mystérieux. D'après l'Amérique, les hommes vieux, c'est des meurtriers. D'après mon point de vue, mauvais taf pour les agréés. Présumé coupable, je suis présumé coupable. D'après j'ai les critères pour faire du rap, saute ma life. Grève la section d'un sous ma gueule. Présumé coupable, si c'est le cas, laisse-moi passer le salam au rap, puis à ma wife. Est-ce qu'on est susceptible d'être expulsé? Est-ce que ce morceau va vous propulser? D'après vous, pirates de tous condamnés, ou arrivera-t-on à faire du jeu de manière spontanée? D'après vous, hein? Les petits poissons dans le ghetto, béton avant de savoir nager. Ils boivent la tasse dans le sky après s'être noyé dans le panaché. Ils sont obligés d'être encore plus hardcore que les anciens. Car la vie est traite, les premiers qui partent c'est les gens liens. Cette fois-ci, je laisserai mes empreintes sur le mic du crime. Je suis là, commissaire, mais pour que je t'entende va falloir que tu cries. Je suis dans ce lesbi, je grave puis, je fais des escroqueries. Ils demandent 5 ans, y'a rien de marrant, mais pourtant le procrit. Veux me faire tourner autant que le rouleau devient un cucri. Mandat de dépôt veut dire statistique en progrès. Rade la psychologie contre notre gré. Nique la police. Ouais, ils veulent trop nous voir en torrent de grès. Je vais tout niquer avant d'aller manger la gamelle. Pour tout riquer, je dois rendre un bête dommage à Jamel. Chouette que le Seigneur guide l'avenir de son petit frère Mimir. La réalité du roi, je sais pas comment ça va se finir. C'est au placard, c'est bâtard qui vraiment trop nier. C'est plus moi qui tiens les murs là, c'est eux qui sont en train de me tenir. J'ai trop la dalle, trop de soucis, j'arrive plein de contenir. Et ça va mal et être ma plume qui est là pour me soutenir. C'est placard, c'est bâtard, faut vraiment se tanner. Il faudrait que je taffe pour un salaire pakistanais. C'est la merde, ma mère, je l'ai vu de trop face ma mère. Je l'ai fait la merde, ma mère, je l'ai fait la merde, ma mère, je l'ai fait la merde, ma mère, je l'ai fait la merde, ma mère, je l'ai fait la merde, fais la merde, fais la merde, fais la merde, fais la merde, fais la merde. Dis les générations qui font tout et qui fout la merde. Yeah, yeah, yeah, yeah. Les petits chez moi, ils bicravent tous du taga, ils crient tous Paris, c'est moi, j'ai Paris, c'est Zouga, ta gueule. Les générations qui font tout et qui font la merde. Yeah, yeah, yeah, yeah. Les petits chez moi, ils bicravent tous du taga, ils crient tous Paris, c'est moi, j'ai Paris, c'est Zouga, ta gueule. Les petits suicides augmentent, mais c'est pour ça que l'on est trop tard. J'irai trop tard, car faut qu'on suive le proche des escargots, c'est trop tard. Comment faire pour avancer quand dans tes rouilles y'a des troncs d'arbres? Des histoires de grammes ou bien des affaires de métro et tard. Crois pas que tu rames comme Lilian quand t'as le plat d'un étranger. T'es pas fait pour le commandement, non, toi t'es que fait pour aller trancher. T'es pas français, tu te crois ou hot, tu crois que c'est pour ton père qu'on bouge. C'est pas toi le grand méchant loup, mais toi t'es que chaperon rouge. J'te le répète, petit frère, perds pas ton temps avec les gars. Tu crois être la fève de la galette, mais en fait t'es que le dindon de la farce. En vrai, t'es comme un agneau, vivre à lui-même dans une forêt. Il a fait le malin, c'est pécagneux, il a fini entièrement perforé. Le même doigt qui chère et qui presse la gâchette. Y'a si tout télécharge. Ouais, ouais, y'a ce cachet. Quand j'te mitard, j't'ai dit. J'prévois l'avenir dans sa cachette. Quand on se reflète en l'éléphant, plus pour la trompe que la cervelle. Nique la mère aussi en veilleur. Et au bâtard de juge qui nous met sur veille. J'emmerde aussi tout 36. Parce qu'ils veulent pas me lâcher les pattes. Car le champ guerre avec moi-même. Mon couple a clashé mes packs. On va se flasher mes paroles. Tu piges pas, nous on triche pas. Zez, mec de test, ma gueule. On n'existe pas, on ma parole. Pas Zezo. Quoi qu'il se passe, nous on se plie pas, ma parole. On aime insulter l'état et même sa daronne. Ça se termine en banzo, même quand ça s'arrose. A la prochaine séquence, pas sûr que ça s'arrange. Ton cadavre, un cadal pour ton charol. Pas de gueule. Certains plans, on va leur faire des sons, nique la mer. Regarde des sons, au président et à toute la terre. Mon monopole de réseau, c'est sous Kata. Dealer Zezo, vaut mieux compter sur soi-même que sur 10 mecs qui se baissent. Ok, j'commence tout doux, j'pique up le rot, mamadou. Comme il dit, Bukataga, Mister You Do, what you gotta do. Vas-y, full feu, tank. J'en présente Belleville sous et tant que les gens la zone. Sera sasi chez toi et bazou. Manda Sambou, à Siabou, à Ibou, à Chicago. Comment faire pour s'en sortir quand c'est le système qui le pousse à bout. J'ai qu'une cave trou, au stocko, ça fait pas triste depuis. Grosse dédicace à Boussia. Non, ça survient de façon. Grosse dédicace, bro. Belleville, c'est beau, j'ai plus de cave qu'à l'avenue, faut j'l'ai RG. Sprat tes proches, alors conseil, surveille tes poches, j'ai fait du flou. Big up, Pignous, Maji Fili. J't'investir dans une rafle. C'est mieux que tiers d'haltérophilie. William Stocky, là la même mort que j'ai des poules. Les coups de Toki, moi j'en ai mangé, j'avais de la chnouna. Mister You, la mauvaise graine de Belleville sous la seule femme que j'aime, c'est celle qui m'a fait têter le bessou. La côte des vodka, comme Soumoudien Aranha. Mister You, Kataka, moi j'ai grandi dans le haram. Dans le haram, à Paris, pas à Marley Gaumont. Crois-moi, pour percer, j'aurais pas un style, il me t'a à l'école. Moi j'compte démonter les barrières, nique la mère au détective. Avec la Djebaka ou derrière, c'est impossible, tu peux t'estive. Envers la race humaine, j'ai peut-être un peu d'estime, frère. Quand l'état d'Israël, il s'appellera enfin Palestine. J'aime pas les stupes, Bukataga, plus belle lurette, c'est déclaré. Bukataga, Bukataga, moi j'ai peur d'Ali Djakite, le frère Racine. Que sur vos tombes les plus belles fleurs prennent racine. Pas de routine, tout mam, mort assassinat. Le Mba Sirou, Aymen. Famille dramée, famille Bella. Le sourire d'un orphelin, il vaut plus cher que le salaire de Béga. Le temps, c'est de l'argent et la patience, c'est de l'art. Tant que le daru fera des doigts à moi, car ouais, je resterai dehors. Famille soirée, bim, bimidjamé. Sur le terrain, aujourd'hui, on est en train de faire des pesos. Quand le gros pick up à Bouclès, on est passé des choses. Quand c'était laisse-moi la monnaie, ou demain je crache dans la sauce. Ou encore, je viens les éducateurs. Y'a moyen que je crache dans la sauce. Avec mes sauces, poteau, j'étais au checker la semaine dernière. Je crois que les cafés c'était scato. Quand les pesos, tu me colles derrière. Avec mes sauces, l'ami, on en a mis des coups de couteau. Quand le vase et le terrain plein, on avait tous le rôle de la petite goutte d'eau. Ouais, mon clé, avec mes sauces. Avec mes sauces. Avec mes sauces. Avec mes gars, on s'est fait tourner les guerres comme des stères de Gaga. J'suis sorti de l'ombre telle la lune de la pénombre. Le crack brûle la nuit, moi j'suis pas né après une pipe. J'suis sorti de l'ombre telle la lune de la pénombre. Le crack brûle la nuit, moi j'suis pas né après une pipe. J'vois un vrai fleu, j'dépite. J'suis venu imprégner le bip, elle drôle chouette. J't'en bats l'autre joue bien que j'respecte la Bible. Dans l'ombre, le ciel n'est pas bleu, les hommes c'est Pablo. Un innocent veille à chaque fois que contemple un coupable. Dans mon sou, les rentes ne rentrent pas aimables. J'lance une allure, et berce un tueur à chaque syllabe. Coupable, même sans preuve à l'appui. Y'a plus le beau temps, Manu Ragan après la pluie. L'homme court à sa perte, ça, on sait depuis. Qui croit édifier une montagne ne fait que creuser un puits. La rue et la tromperie, on n'est pas à l'abri de la tromperie. Sois silencieux, car celle de nos vides fait toujours grand bruit. Elle peut te coûter la vie, l'hésitation paraît dans le choix. A trop jouer les gros poissons, ça me sonnait par un anchois. Tous présumés contre toi, tous toi, tous toi, tous toi, tous toi, tous toi. Passager dans mon bolide, avec une meuf au volant. Dans le 19, tranquille d'un coup, les cafes au tournant. Oh non, ils nous mettent sur le côté, t'inquiète. Création, vous connaissez la rue. Bouge pas là, t'es pas prêt. Accélération, attention. Tawa, voilà, j'ai déjà un mandat d'arrêt. Ça veut dire que sur un contrôle, je peux finir en maison d'arrêt. Gyrophare, les bâtards, et dire, j'allais m'ambiancer. Plus de plan A, plus de plan B. J'arrive pas sans plan C. Ils ont lancé l'appel radio dans ma caisse et un scanner. Ils ont pris mes plaques, gros. Je vénère, mais nique sa mère. C'est la mer, vite mer, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer, c'est la mer. Le grand méchant Youssef est dans les bacs. J'en marcelle, j'galère, j'regarde en l'air. J'traîne cogite et j'repense à toi, yes. Tout est tué, niqué toutes ces soirées. et d'ivresse. Non, je ne regrette rien, ni mes joies, ni mes tristesses. Là, je t'en passe et je galère, je regarde en l'air. Stratégie, je repense à toi, yes. J'ai l'air d'un con, je me sens totalement du père. Moi qui m'étais juré de n'aimer que ma mère. J'arrive dans le game en plaquette comme Tarek à Stalingrad. J'ai les macrates, tu me connais, c'est moi le Tarek à Salil rap. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de leur saloperie de soirée de merde. Moi je veux que les petits gravent la drogue, me bassent pour foirée de merde. J'ai entendu dire que le chameau il critique le dromadaire. J'ai l'œil du tigre et autour du cou j'ai ma panthère. C'est Mister YO, tu connais la suite. Là je suis au sofitel, tigresse, tu connais ma suite. Pourquoi tu fais l'ours, pourquoi tu perds, pourquoi tu dors trop. Même une abeille quand elle vit dans sa rue, j'ai fini close trop. Je suis dans ma grotte et comme Sopra, je suis la colombe et le corbeau. Je leur ai dit ce que je voulais. Et tu platines que de l'or gros dans le pleurin. J'ai le dit que tu trafic grande, mais je me sens chez moi. Comme un serpent qui va la grande. Tout ce que j'ai, c'est qu'il faut briser les chaînes. Et vous qu'on me reste en chien, que tu comportes comme les chiens. Face au yen, faut être à nous. On n'est pas né dans un jour, face au renard, faut être l'autre nous. Ou Katazou, à l'école, j'étais pas tortue. Mais j'étais pas mauvais élève. Dans la rue, j'étais la tortue. Puis j'étais passé le lièvre. L'homme est le plus grand des prédateurs. Et de casse à son grand y'a trop de charognes qui tournent autour des notes, ma parole. C'est Animal Story. Bienvenue dans Hugo, habite les hyènes, les loups et les lions. Story, story, story. J'ai qu'à la santé, on se rattrape en l'état. On est là pour représenter. Gros big up, Asbenenenex. Gros big up à la crive. Toujours incarcéré, nique les SS. Bête de la vérité. J'ai pas retourné ma veste, j'ai mis du shit dans mes squeaks. De la vodka dans les cornflakes. Ouh, gata splix. Si un rappeur qui fait trop mal, on va le faire passer à travers le parflex. Je vais rester seul avec mon stermer. Je suis un égoïste qui réfléchit, qui se dit que la mort viendra le faire taire, certes. Donc m'en voulez pas de penser à ma gueule, certes. 9 mois avant de naître pour m'en sortir, j'ai déjà laissé des millions de frères. Je marche à l'envers, comme un petit peu dans le trip de crise. Quand c'est la mer, la seule technique, même la mer avec grosse. Assalam alaikum, alaikum salam. Faut pas acheter son CD, il était de l'autre côté de la gamelle. Gamelle, gamelle, gamelle. Toujours opérationnel dans tout ce bordel. Les mêmes phrases qui reviennent, on ouvre vraiment des modèles. Gros big up à la crime en forêt. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, on va tout perdre. Mitraillette et micro, on va tout perdre. Un détail ce micro, on va tout perdre. On va tout perdre. Pour le cerf qui souffre, toujours une pensée sincère. Bah ouais, ta mère la puce, c'est mon blaze à la SACEM. De Marseille à Bilbao, le tarot est imbattable. Par un but, mais pas haut, j'crache ma vie de bâtard. Mon rêve interdit, alcool et pissutage. Mon oseille, je veux le prendre, je vais pas les dessous table. Tout a un prix, comme à montrer ta chatte. Leur brûler tel les prix qui croyaient ta chatte. Mes repères, j'allais jouer grand-père. Je connais pas un fils de pute sur terre qui serait heureux de perdre. Voyons, reste mignon, ombré, une affaire à 2 millions. Ta femme viendra se cambrer. Je te laisserai de l'oseille et des principes. Quand je serai parti, fils, Mister You, la crime, ton équipe au tapin. Qui pue la rue, car on a son parfum. Les mêmes phrases qui reviennent. Nous ouvrons du modèle, parfois pour les têtes. Seul Dieu est éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, gros, on va tous perdre. Mitraillette et micro, on va tous perdre. Un détail ce micro, on va tous perdre. On va tout perdre. Faut que les nœuds, ces fils de pute, ils ont trop le seum qu'on pèse. En 2013, c'est plus le mélard d'arrêt qu'on pèse. Et on travaille nos fans, ils rêvent d'avoir nos vécu. Ils sont comme des hémorroïdes, arrête pas de nous bouffer le cul. Un imbécile peut être un génie quand il revient de loin. Ils ont découvert la mairie, on croyait rejoindre l'Inde. Tu peux tout perdre sur un coup de poker, je parle pas de ta plainte. Tu peux être sûr que l'ange Gabriel prendra pas ta plainte. J'ai bien que la frappe de Ketama, pas mieux que le chocolat Link. Je connais la vengeance des femmes, je connais l'histoire de Hinet. J'ai trop la dalle, fils, y'a qu'à regarder mes crocs. Je préfère l'appel que la prière. Mais c'est Blizz qui me tient le micro. N'est pour mourir, y'a pas que dans ce spark. On est Kenny Flo, t'as la 23ème chambre. Après les flagrants délits, crois-moi qu'on va tout perdre. N'écoute pas tout cet arbre. J'allais en faire tout le tour du monde. Et cette fois, suite à Clément. On va pour foutre le bordel. Les mêmes phrases qui reviennent. Sans nous vraiment des modèles. À quoi bon lutter, seul Dieu est éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. Grosse dédicace encore à la crime. Grosse dédicace à Idrissa. Grosse dédicace à Souka Jamel. Grosse dédicace à Biusia. Grosse dédicace à tous mes frères et sœurs incarcérés. Et nique les SS, ces fils de pute. Y'a que eux qui restent dans un prix. Et j'espère que vous pétez la porte. Nique les SS. Spécial Mister Yugatagam. On va tout perdre. Dégaine de Chicanos. Tic tic tic. Rappe-toi dans un petit carmos. J'fume de la harde et là j'mange du calmo. Dans mon cerveau c'est clair, vous. Dans mes poumons c'est chiffré, ouais. J'ai pas ce qui se passe dans ma tête. J'crois que j'suis en coloc avec moi. Donc tu fais le mal, un petit fils de biche. Te baisse ta mère, toi et ton équipe. Ensuite j'te rebaisse. J'te re-rebaisse, j'te re-rebaisse. Puis là on est quitte. Il est trop tard pour prendre la fuite. J't'attrape, j'te fracasse en 8. Et si tu veux connaître la suite, passe à la chambre 1408. J't'abasse le mic, tu suces des beats. J'fais du hardcore et j'fais des hits, mais j'oublie pas de casse-tête. Shérif Maurice et Frédéric, 700 le prix du pavé. J'compte habiter tout près du riff. Dommage que Paris soit grillé. Trop de monde haut sur le périph. J'arrive chargé comme les panneaux de porte d'une porte aux attentions. Chargé comme le 357. La mer venue pour se manger. Chargé, chargé, chargé, chargé, chargé, chargé, chargé, chargé, chargé. Aujourd'hui tout ce que je souhaite, c'est d'arrêter l'alcool. Je devais des années à l'état, j'ai fui, je voulais pas les faire. Quand je voyais les larmes de ma mère, crois-moi que je voulais pas les faire. Tout ce qu'on veut c'est faire des liens, sans pour autant se faire meuler. T'es comparé par Las Vegas, t'es le casino, t'as bénoté. A vraiment fallu que maintenant faut 5-6 millions de côté. J'm'arrête au feu rouge, j'en profite pour décapoter. La jeunesse est en train de se planter, donc l'état est en train de comploter. Mignon fait la force, j'm'adresse à toute ma communauté. Bienvenue dans ma principauté, l'intérieur, la vraie beauté. Les frères connaissent les vrais, les faux savent que boycotter. Ok ok, j'suis pas argent, j'suis toqué. Mystérieux, gâteau, c'est pas ma part qu'il faut toquer. J'étais pas bête, mais j'ai arrêté l'école. J'suis cloqué, tout ce que je voulais, c'est d'arrêter l'alcool. Rap d'aller professionnel, rap d'aller concessionnaire. J'finirai pas, c'est que ça génère. Fais l'oseille que ça génère. Ils se demandent si j'suis millionnaire, ils ont le semi, ils sont vénères. J'ai un prêt, j'me régénère, y'a que le train, je vénère. Les petits veulent plus soulever des coffres, soulever des clous, soulever des clous, soulever des clous, soulever des clous, soulever des clous, soulever des clous, soulever des clous. Belleville, Mysterio, Gapaga. Seuls les frères connaissent les vrais. Tu aurais pu croire, hein. Qui aurait pu croire qu'au bleu, j'serais copté comme chef Ralette. J'connais l'histoire de Hinnit et celle de Marie-Antoinette. J'ai une éternelle reconnaissance envers celle qui m'a fait naître. Les erreurs sont comme des causes, faut les assumer, les reconnaître. L'argent, certains en montent, d'autres le jettent par les fenêtres. J'ai vu des mâles dominants se faire dompter par des femelles. J'sais bien que quand y'a un bruit, c'est pas tout le monde qui s'en mêle. J'voulais m'engager pour la vie, mais sans pas durer une semaine. J'voulais vivre ma vie tous les jours sans que personne me reconnaisse. J'voulais connaître la fraîcheur, les grosses caisses et les Rolex. J'voulais faire d'elle ma princesse, mais elle est devenue mon ex. Mon gata-ga, tout ce que je voulais c'était mettre à mon aise. Je voulais vivre avec tous les jours sans personne me reconnaisse. Je voulais connaître la fraîcheur, les grosses casses et les Rolex. Je voulais faire d'elle ma princesse, mais elle est devenue mon ex. Mon gata-ga, tout ce que je voulais c'était mettre à mon aise. Je voulais pas de crème de cassis, mais du sirop de grosseille. J'avais des kilos de problèmes, je voulais des tonnes d'oseille. Je fais disque d'or et de platine, j'étais même pas scrat à l'assassin. Tonne d'oseille, tonne d'oseille, tonne d'oseille. Même si t'es prolique, tu vas te faire niquer. Sors l'album, donc faut appliquer. Le grand méchant You, c'est dans les bagues. Niveau gonzesse, j'ai les mêmes goûts que j'ai repiqué. Comment t'expliquer? Je vais te faire kiffer, ramène tous tes amis. J'espère que t'as gueule. Sors le tsunami. C'est dans les bagues, c'est dans les bagues. Raconte-nous ta Yves. Dédicace à tous les vrais qui sont partis acheter l'album. Longtime regarde ta Yves Music. C'est que du bavon, que du plafond. Elle est trop chère ta meuf, je veux pas de son numéro. Son numéro. En 2013, rime avec 700 000 euros. 100 000 euros. Mister Mysterio, du Zoukatazou. Une plaquette, un stylo, une feuille, un gros paquet de sous. Un de test, rap de test, microphone, check, check. Crois pas que je rigole, mec. Y'a ceux qui jouent la Champions League et y'a ceux qui restent sur le tech. Fuck les zéros, matière de merde, big up, passé sur le chèque. J'ai tout pris, j'ai rien laissé. Même pas un petit snare sur l'étagère. Quand c'est cachère, chez moi c'est halal. Quand c'est halal, c'est pas cachère. Cherche pas, y'a rien à comprendre. Faut te prendre avant de se faire prendre. Des lits de faciès aux assiettes. Les juges qui feraient nous pendre. Je reste uni comme on sort. Donc s'il vous plaît, pas de comparaison. Faites péter les bofs du caisson. Le flow qui fait kiffer un gesson. Si tu savais vraiment, si tu savais, si tu savais. Carnal. Alors c'est comment la famille? Eh. Ah, il était fou ce mix, hein. Gataga, DJ Kader K en platine. DJ Kader, franchement. Il est chaud, il est chaud. On va l'entendre, on va entendre sa douce voix aussi. Merci les gars. DJ Kader K. Ah, il nous a régalé. Bien vu, tu as fait le taf, franchement, ça fait bizarre des fois. T'as vu, alors, ça morceaux, fait quoi, ouais c'est chelou, franchement, des fois, des morceaux, il y a plus de 10 ans, plus de 10 ans. Tu te souviens de tous? Ouais, tous. Tu pourrais tous les rapper d'un seul coup. Tous les rapper d'un seul coup. C'est vrai? Je te jure. Dès que les premières notes, ça en fait, c'est que la première phrase. Dès que j'entends la première phrase, c'est fluide. Bon, en même temps, et d'ailleurs, il y a des concerts de prévu ou pas? Tu penses déjà? Déjà, rendez-vous tous demain à Lyon. Demain, à côté de Lyon, je serai à Lyon. Donc voilà, suivez sur mon Facebook. Là, j'ai repris ma tournée, je repars en showcase. Et donc voilà, suivez, il y a le grand méchant YouTube. Et c'est commencé à en faire quelques morceaux maintenant, Ayo, sur scène. Ah ouais, ça en fait beaucoup. Hein. Ça en fait quelques-uns quand même. Voilà, franchement, ouais, sur scène, il y a de quoi faire. Et vas-y, là je balancerai encore d'exclu vu que l'album il est sorti aujourd'hui. Donc demain, venez nombreux et nombreuses. Et dimanche, vous me retrouvez ensuite à Grenoble, à Foot Corner. De toute façon, tout est indiqué sur mon Facebook et sur mon Instagram, MRU officiel. Et puis vous l'entendez, il est toujours le même Yo. Hein. Ça n'a pas changé. Ça bouge pas une oreille. Tiens, on va saluer, tu disais Lacrim aussi. Ouais, grosse dédicace à Lacrim qui est incarcéré. Qui nous écoute, j'espère qu'il nous écoute. Et Nick Léassé, c'est fils de pute. Et on pense à lui, voilà. Voilà, grosse dédicace. Je vais à dire lui. Autrement, on Inch'Allah, pense à lui très fort. Inch'Allah, la sortie bientôt. Bah, on espère très vite. Nick Léassé qui reste en prison, de toute façon. Mister You avec nous. On va partir maintenant sur l'album, le nouveau projet. Enfin, c'est pas un album, ouais, c'est une mixtape. Ouais, c'est une mixtape. C'est toi, ambiance mixtape. Voilà, ambiance street. T'as bossé avec qui dessus sur les sons Sur les sons, j'ai travaillé beaucoup avec DJ Rise. Mmh. Avec, le fameux. Rise et le roi. Voilà, je travaille avec un pote à moi qui s'appelle Zach Cosmos, il est de Bruxelles. Franchement, il fait des petites tueries aussi. Il y a Bugatti Beats, il y a pas mal de monde qui m'ont fait des petits sons. Bon, Azaya aussi, de Bruxelles aussi. C'était un plaisir de retourner en studio ou quoi? Franchement, ouais. Non, j'y allais en même temps. Oui, t'y allais en même temps. Ouais, j'y allais. Mais c'est vrai que j'étais pas autant déterminé que ça parce que j'y allais plus pour pas perdre la main. Mais c'est vraiment ouais. Voilà, quand j'y allais, là, je me disais, vas-y, c'est pour un projet, t'as vraiment la niaque. Mais par exemple, sur cet album, est-ce qu'il y a des vieux morceaux d'il y a 2-3 ans, des anciens? Franchement, je vais pas te mentir. Alors, j'ai quoi? J'en ai combien? J'ai le track listing devant moi, j'en ai 3. J'ai Artemis, Filet mignon et n'hésite pas. Ça, c'est des morceaux que tu avais fait. Voilà, que j'avais déjà fait. Et que pendant la période de retraite. Voilà, exactement. Ou de repos. Voilà. Et sinon, le reste, c'est que des récents que tu as fait récemment. Voilà, que j'ai fait à la rentrée. Et on part sur quelle session, You, maintenant? Qu'est-ce qu'on va balancer comme morceau? Là, on va mettre un peu d'exclusivité. Là, maintenant, on va commencer à faire découvrir le projet. Kaderka. Tu dis quoi, Kaderka? Pas rationnel, toujours. Et on y va, on attaquait quoi là? Franchement, Kaderka, qu'est-ce que tu veux nous mettre? Je t'envoie un petit Balti. Vas-y, Balti Gataga. Je kiffe Balti. Ah, c'est une bonne idée. Grosse dédicace à Balti, grosse dédicace à Balti aussi. Nocturne Mister You au contrôle. Yeah. Système. عوجيك يا حومة بلتي مستريو قطاقة لولاد الحومة اللي مشاو في بابور حراقة قالوا علينا كافية قالوا علينا دبليدة عقلية ارهابية تونس في الدار البيضة جوز في مغرب راتي شوب لي كاتاغي غاب دو تاغي شغي دو تيني سافاغي عربي دمي سخون تونسي جزائري مغربي سينو مغربي بتو والصلاة على النبي ايش اشوف الحومة حبيب جيب اللورو في باريس وروما سطلع في المربورو شنس دور كوما حارك في بابورو كل بلاد مشومة حبي بدل ديكورو حارق للأوروب عايش في أكلو ديستينو ضربة كازينو رابي دوم الباتشينو دعوة في فرنسا سيليغا تشينو في الشانزيلي سيحو ما زاد لكابوتشينو عربي رخلة لا لا لا لا لا لا جالو تي دي مطاق تي تي تي تي كي توا بوم دي بطا تا تا تا تا تا وغن دي مغا فالير Fallait pas déconner, nanana. Fais pas ça, tu nous connais, nanana. Balti ou katata, tatata, on revient vous rafaler, ratatata. Astra, si j'suis faillant, j'crois que j'vais me barrer vers Malaga. Vers Tanger ou Hemmet, frater tous les haraka. J'rappe pour mes frères au bled qui soient H24 dans l'Alerka. Qui rêve devant la mer, l'espoir se lit dans tous les regards. 2016, rien n'a changé, c'est toujours la révolution. Beaucoup de problèmes, toujours aucune solution. Dites-toi, assassin à ma voisine, que non, je ne baisserai pas le son. J'en ai besoin pour m'évader. J'ai envie de surfer sur les ondes, les de Yepi bien aplati. Ok, ça reparti, y'a plein de trucs qu'on t'a pas dit. Ougataga Balti, j'roule un star, pépère, j'ai frit sur 2-3-4 plaquettes. J'veux voir toutes les mains en l'air pour faire kiffer les pickpockets. J't'en en quad dans le désert, j'preux freestyler pendant des heures. La Khaldel, elle est pour l'entrée, la Beldi, elle est pour le dessert. Prochain album sera bien visère, les Heiner, j'la ferai la misère. Les boycotters, j't'en parle même pas, stars, ils sont déjà tous dans le visa. Arbi Rakhle, la la la la la la. Salut, tu veux ma part? T'es qui toi? Homme de bata. Ta ta ta ta ta. On revient pour un falaire. Ta ta ta ta ta. Fallait pas déconner, nanana. Fais pas ça, tu nous connais, nanana. Balti Yuka, ta ta ta ta ta ta ta. On revient vous rafaler, ta ta ta ta ta. Blanca, Cosmos Prat, grosse dédicace, Big Kansha, enfoiré. Frappeur le début de la fin. Oui, Kansha. Lion de la casse. Lion de la casse. Début de la fin. Début de la fin. Le grand méchant You. C'est dans les bacs, c'est dans les bacs, c'est dans les bacs, ma gueule. La nocturne. كل سيمانة عندي مرة جديدة وجدة طنجة كازا ولا جديدة 100 مليون في الحديدة باغي نشري قصر نعطيه الوليدة تلقاني في مكناس جالس مع كالشا ورافعو كاشا بلا كاشا ومع البسناسة في الرملة وصيفتو الغبرة في الغربة نسق الطار في الكومة نعزك قمة الحكومة في خطر كاع ولاد البلاد اللي مشاو حارقين راكبين فوق الجات دنيا خايبة خذها كيف ما جات كتبة باينة قالتها لي ناجت نص اوروبا كابرين في الحباسات نص الاخر جالس كيتكفات وفيق اخويا انت مالك هز راسك ولا جمع كرك بقى كيبيع معاك في الاخر تفرق شحال من واحد لي ما تحارك خليتهم يدوا يبغوا يحقروني ضاربين خيوط اسحب راسهم طوني زات لافات قام مع جين طوني حرق شبابهم جيت لحقتو جلينيك يسو كم بالفاري كم بولوني يغطوا على فيس بور دو لاموني نوفال البوم بيتو ديسبونيبل ليون دو لا كاس بور تو مي هوميز كاع المغاربه ماشي بحال ضربنا المحيا بحال ضربنا الضو الاخر اللي سلات ما عرفت فين ولا حمرا خضرا واتي ولي ولا You got a girl. Ouais, Raizé. Ouais, Raizé, tu veux que Black. Toujours en attitude, ma gueule. N'écoute pas les clés par capot, fais juste belle et collure qui rougissent. Moi j'ai grandi dans la street et un fleurier me rougisse. C'est pas que je veux faire le gars côté, mais non, je te laisse pas mon numéro mise. Je dois mettre le zèle de côté. Ils sont tous au star, mais en mise. Ils comptent sur moi comme l'air fesse de peine. Je suis riche, m'en fuis, j'ai pas de fiche de paye. On me paye au black en showcase. Escorté, push 4 dans le top case. Nique sa mère qui veut test. Je suis tout spooky, mais je vous baisse. Je vous donne encore à l'évresse. Je serai juste au-dessus en train de cailler des fraises. Je suis en altitude, négo. Changement d'attitude, négo. Comme d'habitude, je piétinerai plus ce sale bitume. Je suis en altitude, négo. Changement d'attitude, négo. Comme d'habitude, je piétinerai plus ce sale bitume. Négo. Na na na na na na na na na na na na na na. Recommencer, c'est que ça même pas encore commencé. Que Black You l'a trop manigancé. Putain, va pas recommencer. Le sommet pour nous est accessible. Nous dépasser une déco, c'est impossible. Ouais, nigga, impossible. J'suis dans le game pour commettre des homicides. Depuis peu, j'leur fais du mal. Depuis peu, je me suis fait la malade. J'ai appris que qu'il fallait faire la malade. J'suis impliqué dans un délire de malade. Dans un délire de malade. Ne me raconte pas des salades. Ouais, nigga, que des salopes. Ça sortit du ciel, tu galopes. J'suis en altitude, négro. Changement d'attitude, négro. Comme d'habitude, j'piétinerai plus ce sale bitume, négro. J'suis en altitude, négro. Changement d'attitude, négro. Comme d'habitude, j'piétinerai plus ce sale bitume, négro. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. La plupart sont des mythos. Ouais, ils sont des mythos. J'pars sans faire demi-tour. Ils ont jamais rien fait, mais ça vend des mythes. C'est là que les gens sont devenus chelous. Chez moi, la brebis a braqué le loup. Même le guépard s'est fait mettre à genoux. Les rignards voient bien, même sans un flelou. C'est vrai que l'être humain, il est mauvais. Il est pas écolo comme José Bové. Il pense qu'à faire des lovés. Il se repentit que quand j'fais ton vrai. J'suis en altitude, négro. Changement d'attitude, négro. Comme d'habitude, j'piétinerai plus ce sale bitume, négo. J'suis en altitude, négo. Changement d'attitude, négo. Comme d'habitude, j'piétinerai plus ce sale bitume, négo. Raizé en altitude, You en altitude, Que Black toujours en altitude, dans le coin en altitude, yeah, yeah. Storyou en altitude dans la nocturne ce soir. 100% rap français avec nous. Ça, c'est un extrait du grand méchant You, hein. Non, c'est de l'album de Raizé, ça. De l'album de Raizé, ouais, pardon. De l'album de Raizé qui sortira à la rentrée, oui, en janvier. Oui, c'est vrai qu'il est aussi au... Force à lui, ouais. Je voulais le mettre dans mon album, mais bon, Raizé m'a dit non, celui-là, you, non, celui-là, c'est voilà. Celui-ci, c'est que pour moi. Voilà, j'ai dit ok, moi le négo ensemble. Avec Que Black. Ouais. Franchement, lourd. Morceau lourd, Que Black. Franchement, bête de combinaison. Morceau, il a fait un pétard. Je le vois, voilà, quand je suis en tournée, quand je bouge dans les clubs, dans les showcases et tout. En même temps, c'est des sonorités que t'aimes bien, toi aussi. Ouais, je kiffe. Ouais, franchement. Côté festif. Franchement, dès qu'il Raizé m'a mis l'approche, je me rappelle, je dis allez, vas-y. Direct, balance la sauce. Direct, je le prends sur mon projet. Ouais. Non, ça, par contre, je le garde. Ouais, il l'a gardé. Ce jour-là, j'avais fait deux morceaux. C'était celui-là, et C'est quoi les bails. Donc, moi, j'ai gardé par contre, c'est quoi les bails. Ouais, c'est voilà, ça. C'est quoi les bails, je l'ai gardé. C'est quoi les bails qui est dispo sur le grand méchant You depuis aujourd'hui. Ouais. Par exemple, ce soir-là, à cette heure tardive, on peut aussi le commander en digital, hein. Bien sûr. Sur iTunes, on peut aller cliquer sur direct. Mac, surtout, bien sûr. Sur Apple, tu peux écouter sur Deezer, tu peux. Ouais. N'hésitez pas à cliquer, ouais, exact, le streaming aussi pour aller écouter le grand méchant You. Yeah. Avec nous de retour, on repart pour une nouvelle session, Mister You. Allez. Kaderka, on ouvre avec. Balance la sauce, man. Toujours en paix. Ça, c'est extrait du grand méchant You. Ça s'appelle Hey Boy. Wesh Charisma. 2000 2016, c'est le monde à l'envers, c'est mon frère Fredo qui est au ballon. C'est Mysterio qui est dehors, c'est les manchots qui ont le bras long. Bien sûr que si je charme un beat, y'a plus de 100 buts qui dirait pas non. Faut plein de jument par les talons, faut du rouge en dessous des talons. Hey pour Ice, la loi du talion. Je suis entouré James, ton père est un lion. On va le dévorer, le terminer par terre. New Jack City, la cité Carter. Si t'en as marre, tu pars du terre-terre. Redémarre, t'appuies sur le starter. Embrayage, premier rayon soleil. On a tous la rage en nous qui sommeille. À contre sans pasteur, fuck les imposteurs. Les traites, les chemettes qui suivent pour un ster. En bas chez moi ça crosse fort. En promenade les gens se transforment. En promenade les gens se transforment. Y'a trop de serrures et trop de porcs. Y'a trop de serrures et trop de porcs. Y'a que de la salade qu'on transporte. Y'a que de la salade qu'on transporte. En bas chez moi ça crosse fort. En bas chez moi ça crosse fort. En promenade les gens se transforment. En promenade les gens se transforment. Y'a trop de serrures et trop de porcs. Y'a trop de serrures et trop de porcs. Y'a que de la salade qu'on transporte. Y'a que de la salade. 2000 CC, faut que les plus aisés. Y'a du shit et de la CC. Les concurrents sont baisés. J'suis de retour, j'vais tous les blesser. 2000 CC, faut que les plus aisés. Y'a du shit et de la CC. Les concurrents sont baisés. J'suis de retour, j'vais tous les blesser. Les poucaves sortent de garde à vue. Les haïners sont à l'affût. L'astuce tout plus que la vue. Le grand méchant You c'est dans les poils. Ça charge 400 meufs par en ville. Grosse dédicace à Idriss enfoiré. Vu le nombre de passeuses, vu le nombre de cash, vu le nombre de crasseuses à vie. Puis ça sort la gazeuse, à 10 le taser, à 13 le phaser, à 18 ça sort la rafleuse. Ça prend 20 piges et ça nique sa sœur. À ce petit bâtard de procureur. En bas chez moi ça crosse fort. En promenade les gens se transforment. Y'a trop de serrures et trop de porcs. Y'a que de la salade qu'on transporte. En bas chez moi ça crosse fort. En promenade les gens se transforment. Y'a trop de serrures et trop de porcs. Y'a que de la salade qu'on transporte. Combien sont bêtes? Combien sont bêtes? Quand l'ange de la mort est au rendez-vous, tout le monde est au chouette, tout le monde est fou. Putain de rap de grossiste, bled, on cale Artemis. Côté mieux que tous ces fils de pute. Trabal, j'ai en passant par Tunis. J'ravale son Kalachnikov. Normal que si je m'étagonise, elle passe Kalachnikov. Nique la mer ainsi que la police. Route Bukata, gare mort les porcs. D'ailleurs, ouais, faut que j'tout temps j'm'alcoolise. J'fume du taga, j'prends des carpes dans les coulisses. J't'allume ta mère gratuitement. Pas besoin de faire de remise. S'il y a de la mousse sur tes vêtements, c'est qu'il y a du sang sur ma chemise. J'roule en cabriolet ou en coupé comme mon pénis. Ma petite gueule chez moi ça traquette sans même savoir jouer au tennis. J'suis tombé dans comme Obélix. Mais crois pas que les genoux m'obéissent. Ce qu'il faut c'est que les faux périssent. Mais que le Seigneur nous bénisse. Faut que les gradés, faut que la directrice. Faut que le 36 et l'offrice. Welcome dans la Matrix. Ce morceau n'est classé X. Tous les jours ça frôle les assises. Toujours en cavale, big up à Maurice. J'soulève les rappeurs vers leur clitoris. Si j'les fume, j'aurai Gilles Fleuris. C'est pour tous ceux qu'on voulait assumer. Grosse dédicace à l'espace de fric. Anis enfoiré. Anis Benis, grosse dédicace pour en vrai. Route les SS et pousse les buts. Forcément, on verra. façon d'être. Quand l'ange de la mort est au rendez-vous, tout le monde est au joint, tout le monde est fou. J'fais pas tourner mon joint de seum. Dans mon linceul, j'serai tout seul. Dans l'addition, j'te rajoute du sel. J'te la rentre dans l'X, normal que tu saignes. J'rappe pour mes arabes à Bruxelles, à Malaga, Francfort, Warhauter. Toujours chaud pour baiser toute la terre. Putain de rap de communautaire. J'avais des frères, c'est devenu des chemettes. Quand c'est la merde, j'ai mon 9 mm. J'compte sur personne, il n'y a que Dieu qui m'aide. C'est millionnaire, dis alhamdoulilah. J'ai des rails en promenade, t'en ont marre de sauter. Ils veulent pas de Ferrari, mais des hélicoptères. Fuck un Ferrari, fuck Harry Potter, fuck Rainer Pointer et boycotter. J'ai dans les poumons, de l'huile dans le moteur. C'est pareil, ma gueule, c'est le bruit et l'odeur. Baisse les flics en uniforme, en civil. Demande aux victimes que les gens changent aussi vite. J'permets Sonique et pour mes bambas. Photonique, on a grandi dans le rala. J'fais peur à l'Europe comme Boko Haram. J'suis passionnément un pays, Boko Haram. Si tu fais le malin, bah j't'allume ta race. J'te mets décroché comme Adel Tarat. Ou Kataga, ouais, j'bande de Kharaï. J'fais ramener de la peur du 24 carats. Faut que la juge, c'est Bint l'Arba. Coup de pompe dans le derrière et bon débarras. C'est toujours pour Halim, Karim et Barra. Sans oublier Vieira et Fama. C'est pour tous ceux qu'on voulait fumer. Des stars de fouet qui s'en fait fumer. Dans le mur, bah ouais, c'est toujours les pressés. Chez moi, les livres, on veut pas les lire. Non, non, on veut juste les encaisser. Big up, alors le rock fatigué. Bazou, pépé, vieux rock fatigué. Steak and bitch, tu portes un legging. J'te paye en sperme, j'te paye en liquide. Viens pas me gratter, ma belle, s'il te plaît. Tout mon zeille est au déblé. Fuck ton rap, moi, c'est pour de vrai. J'suis comme shérif et de vrai. Couscous m'a fait, Tchabou, Colombo. 3 semaines choqué, j'me paye un lambeau. Nique la mère à Colombo. À Derrick et même à Rambo. Trop de bouffe, on joue les lambeaux. Avec un watch, la place à combo. Avec un watch, la place à combo. J'fais chaud des kills en Mauritanie. J'nique la mer à l'Italie. Fuck la Sicile, Mali et Tony. Tu sors du Hebs, fuck les Vitoni. C'est la Suisse dans le choco. C'est fini la Yougoslavie. D'ailleurs, tu m'connais de quoi. En une transac, j'peux changer ta vie. En Martinique, ils attendent mon chic. C'est moi qui l'ai fait dans la rive. Ensuite, les ailes par Mexique. Et sous 4 mois, la coca arrive. C'est la Suisse dans le choco. C'est fini la Yougoslavie. D'ailleurs, tu m'connais de quoi. Un transat, j'peux changer ta vie. En Martinique, ils attendent mon chic. C'est moi qui l'ai fait dans le rive. Ensuite, les ailes par Mexique. Et sous 4 mois, la coca arrive. J'fais pas que du rap, moi j'fais de la magie. Dans le crâne, j'suis pas qu'un pois chiche. J'calcule plus vite qu'un oisier. J'suis plus armé qu'un quashi. Tout à l'heure, j'ai croisé Pépé. Il m'a dit, putain, c'est quoi ce gâchis. T'es plus fort que ces fils de pute. Sodomise les potos, vas-y. À 13 ans, j'rodais à la cause. C'était pompé par mes rampants. Non, c'était payé par les chouaras d'Awa. Fais sur les chevaux d'en bas. Puis à force de baiser le père, j'ai fini par lui faire trop de gosses. Qui respectent plus leur daron, papa you. On sait qui est le boss. J'ai tout ce qu'il faut sur mes cousins. J'ai moins de cheveux que de cousins. J'fais un 10 ou j'm'arrête pas le boussa. J'suis un peu comme Balamoussa. Suce ma bitch, va sentir la fraise. Mais crois pas que j'vais sortir de la fraise. J'suis plus la merde, j't'enfonce, ça fait bref. J'tip, j'tape chez moi, l'amour se fait bref. Où es-tu passé, petit boycotteur? Disparu rapide comme un éclair. Même pas arrivé, déjà parti zère. Da wap, sortez que la misère. Au pire, viens me voir, j't'avancerai mental. Avec ton flow qui pue les mentales. Ta carrière est lamentable. C'est ça de pas voir la mentale. C'est la Suisse dans mes cheveux. C'est fini la Yougoslavie. Da ouais tu me connais de quoi. Pour une transac j'peux changer ta vie. En Martinique ils attendent mon shit. C'est moi qui l'ai fait dans le riff. Ensuite le Zeyo par Mexique. Et sous 4 mois la coca arrive. C'est la Suisse dans le cheveux. C'est fini la Yougoslavie. Da ouais tu me connais de quoi. Pour une transac j'peux changer ta vie. En Martinique ils attendent mon shit. C'est moi qui l'ai fait dans le riff. Ensuite le Zeyo par Mexique. Et sous 4 mois la coca arrive. Le grand méchant You. C'est dans les packs. Du sale. Le grand méchant You à l'instant. Aïe aïe aïe. C'est dans les packs. En effet, depuis aujourd'hui, vous pouvez récupérer ce nouveau projet de Mister You. Un de plus au compteur. Ouais, un de plus. En attendant plus, la suite. Ouais, en attendant la suite. En attendant la suite. Avant de se quitter, on va finir avec une dernière session quand même, You. Ouais, obligatoire. Obligatoire. Obligatoire. Rappelle-nous aussi qui on peut retrouver sur cet album à tes côtés aussi. Franchement, j'ai fait aucun featuring. Rien. Personne. Je suis tout seul. Rien. En solo, gros. On se la joue personne. Là, t'avais vraiment envie voilà, de voilà, revenir en un solo. Coming back, exactement. En plus, le projet, le grand méchant You. C'est vraiment. C'est pas grand méchant You et Friends. Voilà, c'est... exactement. T'as vu, c'était. c'était focalisé, je me suis focalisé sur moi, je me suis centré, tu sais, je me suis pris la tête à faire que des solos, parce que beaucoup les gens, c'était ça aussi, j'ai vu que les gens dans les critiques, je regardais ce qu'ils me disaient, ils me disaient, You, quand même, tu fais beaucoup de featuring, voilà, on aimerait bien t'entendre un peu plus solo, ben, pour le coup, voilà. Et voilà. Ben voilà, donc là maintenant vous avez que du duo. Voilà. Allez cliquer dès maintenant, le récupérer. Est-ce qu'il a été dur quand même à faire? Parce que c'est vrai qu'on se souvient de tes anciens projets, parfois ils étaient enfermés ou pas quand tu écrivais. Ouais, est-ce que c'était compliqué de réécrire? Franchement, ou pas? Franchement, non. Là ça a été un kiff parce que t'as eu 3 ans d'attente. Franchement, j'ai été patient, j'ai serré les seufs, j'ai attendu. Et bon, quand c'était bon, je te jure, c'était. Franchement, c'était kiffant. C'était un plaisir de le faire et franchement, c'était que de la magie. Et bon, on va écouter cette magie encore pendant les 2-3 sons avant de se quitter, You. Pas de soucis, on va vous balancer de l'exclusivité là. Allez, vas-y. Vas-y. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Vas-y. Kader K est au platine aussi avec Mister You. Aïe aïe aïe. Écoutez bien ce morceau, la famille. Du sale. HLM. Hasta la muerte. C'est l'histoire d'Abdelkader et Moussa. C'est l'histoire de Mokhtar et Mamad. C'est l'histoire de Mokhtar et Mamad. Tous les jours les deux traînent ensemble. Même gamos, même liasse, même ensemble. Même sourire, regard menaçant. Quand ils te la mettent, c'est sûr que tu la sens. Je te parle d'une amitié qui a plus de 20 ans. Qui n'a pas de prix, qui n'a pas de montant. Ils caleraient l'un pour l'autre, ils font pas de boucan. Même face à 30, aucun des deux fout le camp. Même les anciens reconnaissent qu'ils ont une bête de gamberge. Se sont rencontrés les deux portés des pampers. À la vie, à la mort, c'est ce que les deux prêchent. Ils ont fait le collège, la calèche et la crèche. La street et la empire, ils ont connu la tèche. Le meilleur et le pire, la haine et la fraîche. Du sous-sol au toit, du tarmi à Marrakech. Lui qui souciait de toi, tu as suicide-toi. Tous les quartiers du monde te diront ça se passe ainsi. L'amitié est pire qu'une bombe, mais bon c'est pas un souci. On peut marcher sur tout le monde et retomber aussi vite. Le destin c'est vite. Tous les quartiers du monde te diront ça se passe ainsi. L'amitié est pire qu'une bombe, mais bon c'est pas un souci. On peut marcher sur tout le monde et retomber aussi vite. Le destin de ses vies. C'est l'histoire de Moussa et d'Abdelkader. 1944, ils dormaient par terre. Ils ont fait la guerre pour avoir les papiers. Ils ont plongé dans une merde où ils n'avaient pas pied. Dans les tranchées, ils servaient de chair à canon. Les étrangers, où ils en avaient dans le pantalon. Quand fallait bouger, crois-moi qu'ils disaient pas non. Leur descendance finira marteau au palon. Se sont cassés le dos pour un salaire misérable. Ils ont passé le mot, les noirs et les arabes. Ils les ont pris pour des anges, tout droit descendu des arbres. Pour les papiers, c'est simple, ils leur ont dit prenez les armes. Tous les quartiers du monde te diront ça se passe ainsi. L'amitié est pire qu'une bombe, mais bon c'est pas un souci. On peut marcher sur tout le monde et retomber aussi vite. Le destin de ses vies. Tous les quartiers et le père de ma main. Et Abdelkader et le père Amota. La rue c'est un truc de malade. Pour ne pas dire un monde de bâtards. De même ça lance pas, il a beau s'excuser. Remonter d'Espagne, la porte s'est épuisée. La rue c'est fatale, toi-même tu sais. Mokhtar a sorti le calibre, puis l'a posé sur la bleute. En leur regardant droit dans les yeux. Mais dis je te fais quoi, non tu sais quoi. Tous les quartiers du monde te diront ça se passe ainsi. L'amitié est pire qu'une bombe, mais bon c'est pas un souci. On peut marcher sur tout le monde et retomber aussi vite. Le destin c'est vite. Tous les quartiers du monde te diront ça se passe ainsi. L'amitié pire qu'une bombe, mais bon c'est pas un souci. On peut marcher sur tout le monde et retomber aussi vite. Le destin c'est vite. Qu'on est trois. Si tu fais le malin, je vais m'occuper de toi. Avec ma rafle je te l'éteins. C'est plus simple que de l'éteindre. Je vais aller plus loin que les étoiles. Comme la reine, j'ai tissé ma toile. Yves Tramé, mon frère Abdoulaye. Vas-y, chaque cas sous sa mère la volaille. Toujours vrai n'importe où qu'on aille. Big up à tes alias parlant. Présent quand d'autres n'étaient pas là. Quand ça dévitait ou quand ça défouraillait. Non, non, chez nous on fait pas de mal. Moi étant petit, j'partais du Monji. Parano qui a chauffé la bougie. Mieux que les chambres, y'avait pas cher. 17 ans pisté par le gir. Big up Scander, Limsou et vieux rat. Mais sa mère le pleure, Annick, ton père, ta mère, etc. Y'a que chez les keufs que l'on se terrasse. C'est pour Bim Bim et le frère au Mambo. Les couilles valent mieux qu'à Lambo. Ça béton même au Congo. Des 5, des 4, c'est de la rigolade. Le whisky, c'est de la limonade. Toujours la tête haute en promenade. Dieu comme quand y'a la grenade. Ça parle autant de grenade. À Malaga, au foin de Rilola. La frappe à Ginola. Minuit sur la Daytona. Nique la mère à Nicolas. C'est une boucave, nique bien ta grand-mère. Bâtard, me serre pas la main. Moi, c'est torsi, je suis le parterre. Avec du père Bonnemain, Pierre Richard, je me pisse dessus. J'ai grandi dans le pestu. Si t'as misé sur les faux, bah tu seras déçu. Les frères en prennent le dessus. Les salopes reviennent nous cesser. On a mis de l'alcool sur nos blessures. On reste très vrai, ça c'est sûr. Fuck le cheese, moi j'ai le Big Mac. J'ai grandi dans le Big Mac. Big up les potos, nique moi. J'te dirai jamais, nique moi. Bâtard chez nous, pas de dep. Que les feux que qui viennent qui nous pètent. Chez nous, y'a aucun enfant de salope qui suce pour poser sur une mixtape. Rap, j'l'encule, là c'est qu'une maquette. Suisse, regarde bien ma tête. Tu m'arrives même pour toi, Jeff. Trop de carrière sortie de ma braguette. J'sais, j'train de faire pipi. J'suis entre Phuket et Kopipi. Y'a plus d'amour et plus de habibi. J'suis le coyote qui a fumé pipi. Moi, c'est Younes Latifi. Big up Gilou, big up Majif. La street, on est tous natifs. Bien sûr qu'il faut faire la diff. C'est la haine qui nous motive. Ça fume plus qu'une locomotive. J'suis une belle et toi t'es qu'une Kia. On te fume ta mère par la familia. On encule la haisse, on veut du wari. Maroc, Sénégal ou Mali. Algérie, Mauritanie. Gramé, Latif ou Trawali. Big up Cyclope et Khalido. On a pas la perverti que Pito. On a mis de l'essence dans les bidons. On est pas bête, on parle des trucs bidons. On est passé de chez Tatia Louis Vuitton. Ne sortons pas les siédos, évitons. Ne joue pas le 6 gros dès qu'un krypton. Chez moi nous effritons sur des litrons. Le grand méchant you dans les bacs. Moi c'est Younes Latif. Spécial pour la nocturne. Grosse dédicace à Fredo. Grosse dédicace. Aïe aïe aïe. La nocturne gros. J'espère que vous avez kiffé Mysterio Kataka. Eh oui. À tous mes trafiquants. À 20 ans j'ai fêté le million. Rapta sous ton pérignon. Ils hallucinent, ils sont sous champignons. Je m'occupe de toi, ton daron t'a remis. J'ai de l'amour et mort avant même d'être né. T'as pas compris, rembobine et remet. Investissement lourd, bénéfice remet. On bosse pas une tonne pour gagner 15 kilos. On la manque d'aspect, demande un vilon. Tu veux que j'encule le rap, passe-moi juste un stylo. Nique sa mère le commissaire, on donne pas de filon. Quand j'ai pas offert le monde, fallait juste un pilon. J'ai traversé le désert, putain le chemin fut long. Y'a que toi, y'a les coffres, que mes potes et moi filons. Les boycotteurs s'embrochent et nous les enfilons. J'ai fêté le million. Rapta sous ton pérignon. Ils hallucinent, ils sont sous champignons. Sans taper le con que François Pignon. Leur garde-poste s'il te plaît reste mignon. C'est ton salaire que nous respire. En haute couture nous nous habillons. Ce mystérieux ne fait pas pire. Ce soir surveille ta mise, si elle veut me faire la bise. Ougataga. Moi j'ai bu de la tisse donc je vais faire des bêtises. Ougataga. Toute la tête c'est rafta sur la piste mon gars. Ougataga. Et si c'était ta vache je te manoie tu sais quoi. Ratatata. Ouais ouais. Passer tous mes traficantes. Y'a de la salade de quoi vous alimenter. Je porte du gold, je viens de la remonter. Wesh les rappeurs, pourquoi vous mentez. C'est pour mes frères qu'on finit menotter. Mes parigots, mes lyonnais, mes nantais. Mes frères au belge et mes frères hollandais. Y'a de la frappe de quoi vous inonder. Sans viscère des maîtres et sans parle en auto. Ça parle en Hooligan, ça parle en veto. La police me resserre, le juge est un étau. On voit bien de viscère, on sort du ghetto. À 20 ans j'ai fait tel million. Rapta sous Dom Pérignon. Ils hallucinent, ils sont sous champignon. C'est encore plus con que François Pignon. Leur rap boss nous place mignon. Son salaire que nous gaspillons. En haute couture nous nous habillons. Smith Garnier, on se lève pas papillon. Le grand méchant est dans les boîtes, ma gueule. Ce soir surveille ta mise, si elle veut me faire la bise. Ou kataka, moi j'ai bu de la tisse, donc je vais faire des bêtises. Ou kataka, toute la tête c'est rata sur la piste, mon gars. Ou kataka, et si t'es grave aux yeux de mal battu, tu sais quoi. Ratatata. Aïe aïe aïe. On se dédicace encore à Nice, Denis, on parle. Ce soir c'est quoi les bails? Là je suis pas là pour banaf. Ça fait la carte qui t'a filé en gardaf. Là je suis avec Abdoulaye. Ben on se barre à Dubaï. Belleville et Béval. Dites-moi c'est quoi les bails? Ce soir c'est quoi les bails? Là je suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a filé en gardaf. Yves Baka ou Abdoulaye. Ben on se barre à Dubaï. Belleville et Béval. Dites-moi c'est quoi les bails? Bébé j'étais bourré donc j'ai pas pu rentrer. L'autrice est venue et m'a pété. Ils ont voulu m'éventrer. Ils m'ont parlé de ce qui se passait vers le détroit de Gibraltar. J'arrête du chou André. Oh de bâtard, il me reproche plus d'un Zodiac. J'suis pas armé d'un Moonchak. J'ai les yeux plissés comme Bruce Lee. À ce temps si j'suis sous Jack. Faut que l'octrice la BRB. La guardia est vraiment teubée. Moi la gare à Saint-Tropez. S'envoie des tonnes de dobé. Bolide c'est l'air coupé. La police du Maroc s'en bat les couilles tant que tu rentres. Chaque contrôle 200 dirhams. Me parle pas de liberté, d'égalité va te faire niquer. La jeunesse est broliquée. Ok, ce soir c'est quoi les bails? Là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Là j'suis avec Abdoulaye. Bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébévol. Dites-moi c'est quoi les bails? Ce soir c'est quoi les bails? Là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Yves Baka ou Abdoulaye. Bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébévol. Dites-moi c'est quoi les bails? Étant jeune, on est tous passés par Bois d'Arcy ou Fleury. On a grandi, on s'habille tous chez Versace ou Burberry. Faut que le KO et sa théorie. J'ai un petit air Thierry Henry. Roule un petit Zdeh et Henry. J'suis hors catégorie. L'argent m'a pas pourri. J'pourrais caler pour Yves, pour Baka ou pour Sambou. J'suis un soirée de risque. J'les baise. Nique sa mère la police. Dilemme sur la pleutade. Donc pépère, j'm'alcoolise. Le parquet était flottant. Donc fallait bien que j'glisse. Y'avait l'optrice et le 36. Donc fallait que j'm'éclipse. C'est pas les clips, c'est les bleus. C'était les riches et les pauvres. À Fleury, fallait 5 cyclopes. Le lundi pour être au top. J'ai appris que face à l'ennemi, faut pas arriver que ganté. Faut le terminer à 4 pattes. Al dente. Des failles de sa mère derrière les vitres teintées. Y'a plus le temps de liker ni de commenter. Ce soir c'est quoi les bails? Là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Là j'suis avec Abdoulaye. Bientôt on se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les bails? Ce soir c'est quoi les bails? Là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Yves Baka ou Abdoulaye. Bientôt on se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les bails? Place 19. Le 19 et le poteau Gaston Pinot. J'crame pas de place, tout le monde sait me pousser par 300 kilos. J'disais ouais, j'poteau you. Faut pas finir alcoolo. Calme un peu donc l'alcool. Termine pas comme c'est Clodo. Lopin et l'11 43. Clock Beretta. L'arrête pas une tonne et demi. Daoué m'arrêteront pas. Le détail passe en jet ski. Le graveau il passe en paquebot. Inquiète à ma Abdelhamid. Il est plus coté que Pablo. Bah il brasse des milliards. S'en bat les couilles d'être pas beau. Il a 4 femmes, 15 hectares. Plein de chevaux sous le capot. Ferrari, Lamborghini. Fuck les keufs de Bobini. Il tire dans le mini, t'élimine. Avec lui c'est jamais fini. Ce soir c'est quoi les bails? Là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Là j'suis avec Abdoulaye. Bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les bails? Ce soir c'est quoi les bails? Là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Yves Baka ou Abdoulaye. Bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les bails? Eh, c'est le grand méchant, yo. Dites-moi, c'est quoi les boys? Dans les bacs, dites-moi, c'est quoi les boys? Faut aller chercher, dites-moi, c'est quoi les boys? Yuka Kaka. C'est quoi les bails? Aïe, aïe, aïe. C'est qu'il faut aller chercher l'album. Le grand, voilà. Le grand Mister You est de retour. Le grand méchant You est de retour. Ça dans les bacs. Ça fait plaisir. Bah, merci encore. Ah, merci, c'est toujours un plaisir de te retrouver, You. Merci infiniment. Tu sais très bien. Ça fait grave plaisir, franchement. On va donc rappeler que c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Alors, ceux qui aiment bien le support vinyle, j'allais dire physique. Le support physique. N'hésitez pas, dès demain, dès l'ouverture des magasins, ou alors maintenant, tout de suite, en allant cliquer. Voilà, sur iTunes. En streamant un peu partout. Exactement, sur Deezer, on écoute partout.

La Nocturne. C'est La Nocturne et c'est la session classique en live avec les Snipers qui sont de retour. Et quel plaisir de vous retrouver, les gars. Comment ça va, ça va? Bah écoute, ça va. Plutôt pas mal. Comment se passe cette tournée? Bah très très bien. Ouais, franchement, cool, on est très content. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça fait super. Franchement, ça fait chaud au cœur. Le public répond présent. On est très très content. À limite, est-ce que vous pouvez vous asseoir sur scène et écouter les gens chanter en fait sur les sur certains morceaux? Ouais, ouais. Ça, franchement, ouais, sur certains sites, ouais, c'est faisable. Ouais. En fait, vous pouvez faire le concert, mais c'est aller voir les gens. Bah écoute, pour te dire, il y a même certains. Il y a par exemple la dernière fois un couple à Wam, Karl il est venu, il m'a confisqué mon, micro. J'ai pris le micro, je suis parti. Et les gens ont été chants comme ça pendant au moins 4 ou 6 mesures. Tu vois. C'est sur quel morceau? Sans repère. Ouais. Ah bah évidemment, le sans repère. Ouais. Bon là ce soir c'est Nocturne classique donc avec les Snipers. La prochaine date des Snipers c'est mardi. Voilà. Au Zénith de Paris, messieurs dames. Donc la grosse fête. Grosse fête de prévu, mais un petit peu comme tous les soirs aussi, hein, j'ai envie de dire, quand vous êtes en tournée. Après, il y aura Toulouse, Rennes aussi, hein, y a d'autres dates. Exactement. Et où va s'arrêter cette tournée? Et après, il y a Nantes. Et après, pour 2017, il y a une série de festivals qui arrivent, et puis on va voir quoi, au fur et à mesure. Donc, c'est reparti sur les différentes routes de France. Ouais, tant qu'on s'éclate, tant que le public est présent, on va pas se gêner. Quoi. Et voilà. On va en profiter pour s'éclater aussi ce soir. On va saluer Rock G qui est au platine. Rock G! Très en forme. On y va, coup d'envoi de cette Nocturne. Allons-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Rap Juice. Quotidien nous pousse à faire ce qu'on nous a poussé à faire, frère, qu'on oui. Pour des fourrailles sur vinyle comme un cercle à la queue, mon pain, Posca. Tout ça pour des temps, le Posca. Tout est béné, oui. Pas pour mon poumou, c'est un cercle. Mon plus, mon plus, craque, micro, mon crou, mes craques. T'en fais pas, c'est que j'ai. Asma, I'm not bouscule. Qu'elle vient tout juste aligner. Fâché ce dernier la bouscule. Y'a ce mec qui prend sa merde aux gants sans mal de rêve. Et ce gars qui rentre fonce dès chez lui à l'heure où c'est rentré. Y'a cette mère de famille qui s'inquiète pour son fils. Et dès qu'il sort le soir, a peur des contraintes de la police. Y'a cet adolescent qui sort de boîte et qui tient même plus debout. Trop d'alcool dans le sang, il prend le volant et trouve la mort au bout. Y'a cet homme qui est les nègres, ouais. Les bics au même juif. Entre frères et sœurs, supérieurs, car nous n'avons pas les mêmes valeurs. Y'a cette racli qui plaisante son petit ami à ses rempas. Il s'avère que c'est un rapza, mais dans ce, ça ne passe pas. De thunes, de trucs de dingue qui ferait n'importe quoi pour pas passer pour une balle d'ail. Y'a ce cadre irresponsable et inconscient qui a quelque chose à prouver aux gens et qui purge 10 ans. Y'a ce connard qui veut me la faire à l'envers. Je le vois venir à des kilomètres. Je sais pas qui s'avère qu'au bout du coup, c'est moi qui viens lui mettre. Cette femme qui pleure à genoux devant la tombe de son fils. Elle n'a que ses yeux pour pleurer et sa haine envers la police. Et Stockard, sûrement endormi, pas réveillé, qui gagne 50 millions l'auto et qui va pas les chercher. C'est le Jason qui t'a briné rapide, pas bien en qui. Elle met pas le barreau, elle m'en plus pervers des barbies. Regarde ce SDF que le système exclut. Ça fait 6 ans qu'il dort dehors, sa seule famille à lui c'est la rue. Y'a ce personnage qui demande des fonds pour la recherche, qui détourne le capital et en fait un tâche. Et y'a ce kamikaze qui s'apprête à faire un attentat suicide dans un bus, prise d'otage, bonne de glace. Y'a un seul de cité qui aimerait tant changer d'air, ouais. Quitter les tours de béton pour une villa près de la mer. Ouais, y'a chauffeur de bus constamment angoissé et stressé qui bosse en banlieue chaude et qui a peur de se faire agresser. Y'a femme qui apprend sa stérilité et qui projette de faire des enfants. Pour l'adoption elle peut opter mais sera jamais une vraie maman. Y'a cette famille qui perd sa virginité prématurément et qui devient rapidement une fille que l'embobine facilement. C'est huisier de justice qui déboule chez toi. Huisier de justice qui déboule chez toi. Huisier de justice qui déboule chez toi. Et qui t'a kiffé. Donc t'es parti à la chasse. Tu l'as bluffé et tu l'as niqué, oh. Par la suite elle t'harcèle, ah bon. Quand tu lui dis que t'es déjà casé. Cette grosse pute, oh. Béton quand elle t'accuse de l'avoir violée. Y'a cette pouilleuse qui se prend pour une bombe atomique alors qu'en fait c'est une crasseuse. Celle de mimique et d'être mimique. Et y'a cette bête qui fourre une tasse sans savoir qu'elle a le tasse. Pas mettre de podcast c'est yes. Mais joue au con. C'est un pauvre type qui se dit homme et macho sans fierté, marié à une actrice de film porno. Et y'a ce gros crevard qui veut rien lâcher, c'est tout pour sa poire. Prétentieux et avare, le genre de mec qui fout le cafard. Et ce mec qui arrondit ses fins de mois en vendant du shit. Et cette femme qui se dit femme, qu'est-ce que c'est que ça? Abusé physiquement par son professeur, flotti dans la peur. Vos ses parents qui se doutent derrière. Elle est typeux, qui ont grandi trop vite là où j'habite. Ils ont déjà tous fumé du shit au fond du business illicite. Et y'a cette femme qui frappe sa femme quand il a trop bu. Et ce gosse qui fume de chez lui croyant que c'est pas en eux. Et y'a ce prêtre de l'église catholique impliqué dans un réseau de pédophilie frappant l'Asie et l'Afrique. Et y'a ce rappeur qui bluffe les auditeurs. Est-ce qu'il est passé pour ce qu'il est pas? Arrêtez un kill. Si fils à papa, perturbé psychologiquement. Personne ne le sait, mais son père l'a violé quand elle avait naissance. Ouais. Son chômeur fini, désespéré, poussé à bout, devenu braqueur d'un soir et qui tente le tout pour le tout. Y'a ce faible d'esprit qui s'est fait endoctriner de spi. C'est devenu un ski, un bouffon frustré, repenti. Y'a ce jeune milliardaire qui met les vies. L'infomane qui se font les tours par plus de 20 mecs dans les cas. Qui m'a niqué ma scolarité. J'avais des capacités que j'ai soi-disant pas exploitées. Y'a ces hommes qui n'aiment plus faire la fête, la fête. Qui veulent que leur vie s'arrête sans et qui finissent avec une balle dans la tête. Y'a ce politicien, candidat à la présidence, qui fait de belles promesses au peuple. Moi président, moi président. Y'a ce Condé qui pédave de la queue scondée. Tourné sur la consonnée, jeune qu'il vient d'interpeller. Y'a ce mec qui garde la foi, ouais. Malgré cette vie de chien. Celui qui en chie dans sa vie, mais qui dira tout va bien. Et ce tueur en série qui compte cette mort à son actif, ouais. Qui agit en banlieue parisienne et qui est toujours fugitif. Ouais. Pourquoi on te raconte tant de choses immondes? Tant de choses immondes. C'est qu'apparemment faut tout pour faire un monde. Y'a des mecs comme moi, crache des toi, mecs comme lui. Y'a même des mecs comme toi. Ça donne le genre de l'envie. Crache toi, France. Crache sur le gouvernement. Et crache sur une assemblée nationale. Crache sur une on vit tout en le faisant, fonctionner en consommant. Difficile de faire autrement. Dénonce le système, ouais. Dans lequel on vit tout en le faisant, fonctionner en consommant. Difficile de faire autrement. Dénonce le système, ouais. Dans lequel on vit tout en le faisant, fonctionner en consommant. Difficile de faire autrement. Ouais. Tu vends le troupeau comme tous les autres moutons. Geste militant, mais c'est le berger qui tient le bâton. Qui nous le met dans les roues et qui nous mène en bateau. Nous fait béton quand on marche encore à tâtons et resserre les taux. L'état nous la met en beauté après la pluie, le beau temps. Passe pointé ou pas, je suis déjà blasé depuis longtemps. La France accueille à bras ouverts. Mais les vies trop bien, on vit compris qu'on est crédité. Des colonies. Si on fait de snack à détail, c'est que le pain est un sale poids. Faire la misère, c'est tabou pour les toupables. Les coupables, donc on est coupables de meurtre sur les couleurs d'affiches. Je paye de mon épiderme. Une aide au commissariat qui ne refait ferme pas de fantômes. Voir l'arrivée de terroristes, tous les la violence augmentée, puis s'acharner sur l'islamisme, fait la joie du nationalisme. Il suffit d'une chaîne à audience, d'un arabe dans leur rubrique pour outrager la vie et choquer l'opinion publique. Real punch. C'est que pour un bico ou un nègre, les maigres salaires sont les mêmes, donc ils touchent le sketch. Je retranscris les joies et larmes, les cris et drames, dénoncent l'état et ses méfaits, car la bouche est une arme. Ils auront le feu car ils ont ce phénomène. Qu'on les brûle, qu'on les vende, qu'on les jette dans la scène. Oui, la jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes pour niquer le système. Oui. Ils auront le feu car ils ont ce phénomène. Qu'on les brûle, qu'on les vende, qu'on les jette dans la scène. Oui. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Elle cherche à brûler nos racines. Écoute. Tous les ans, tous les jours, c'est nos frères qu'elle assassine. Toujours. Elle nous tape, elle nous ment, elle nous bluffe, elle nous bassine. C'est l'ennemi du ghetto, un mauvais jour se dessine. Oui. Au Babylone, oui. Ton système est conçu pour nous enterrer plus tôt. Oui. Mais y'a des soldats qui préservent dans le ghetto. Avoir la foi, garder la tête haute, c'est ça qu'il faut. Faire front, faire lever le ghetto. J'accuse les juges de faire preuve de préjugés. J'accuse le droit à donner un salaire de pouvoir nous juger. J'accuse cet engouement qu'a l'humanité pour le dégoût. J'accuse les procureurs de mettre les mêmes sous écrou. J'accuse les chiens de l'État d'avoir la gâchette facile. J'accuse celui qui enferme la France au diable. J'accuse certains prêts de vouloir toucher ce qu'on a conçu. J'accuse de n'être une bande de démagogues. J'accuse les morts subites pour un paquet d'oseilles. J'accuse les dirigeants de tirer les ficelles. J'accuse les l'état de tout leur business mafieux. J'accuse la colère de trop bien faire son boulot. J'accuse ce système où t'es rien sans fric. J'accuse cet arôme de drame d'être un zéphyr de folie. J'accuse les élus corrompus de profiter de leur statut. Ils auront le feu car ils ont semé la reine. Qu'on les brûle, qu'on les bande ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes pour niquer le système. Ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les bande ou qu'on les jette dans la scène. La rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes. Eh ouais. Niquer le système. Ils auront le feu car ils ont semé la reine. À l'époque on essayait. Elle n'était pas terminée. Agressez-y. Il faut briser les chaînes. Wow. C'est pour la jeunesse du ghetto. Yeah, only ghetto you. Ah, bon, oui. Ça fait du bien. Ah non, mais les mecs, vous commencez fort là pour cette session classique là. Pas mal fusillade. Hein. Waouh. Wow. Ah ouais. Nickel System, ça c'était sur Sachant Dire Non, c'est ça. De mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Sachant Dire Non, il me semble. Ouais, c'était ça. Avec Tandem aussi. Tandem, Bakar. Ben. Big up, Bakar aussi. Et Ben aussi. Et Ben, Big up. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous réécoutez ça maintenant, ça a toujours. C'est-à-dire que t'as l'impression. Franchement, ça pas très vite. Il faudrait qu'il y ait un Sachant Dire Non là, qui sorte bientôt, tu vois. Ce serait pas mal, non? Ça devrait être d'actu, ce genre de concept, tu vois. De projet, ouais. Surtout avec ce qui va nous arriver 2017. Ouais, en écoutant les lyrics, c'est un truc de ouf, comment c'est encore d'actu. Ouais, c'est. On était jeunes, mais pas con quand même, hein. Non, mais c'est vrai, ça faisait un moment que j'ai. Bravo, Rock G, ça faisait un moment que j'avais pas réécouté, moi, celui-ci, ce morceau. Et quand tu réécoutes les paroles, tu dis, ah ouais, quand même. Quand même. Quand même. Voilà. En 2017, et ça devait être quoi? C'est bien, on est en avance. Il y a un petit moment, ça, c'était en 2002, par là. 2002, hein, ça, hein, 2002, ouais. Ok. ça vous a fait ça d'ailleurs quand vous avez bossé sur la tournée et tout, sur certains de vos morceaux, en vous disant, ah ouais, putain, on a écrit ça. Ouais, quand même, moi, tu te rends compte de ce que t'as écrit à l'âge que tu avais. Ouais. Même pareil, la confo tout pour faire un monde, il est passé. T'as vu, finalement, frère, c'est ça. Donc, ça fait encore plus kiffer, en fait, de se dire qu'à l'époque, le cerveau était en place, quoi. Tu vois, bah, il est toujours en place, non? Ouais, encore plus, parce qu'on est un peu plus vieux maintenant, il y a encore plus de maturité, tu vois. Mais ça fait plaisir à écouter. Voilà. Bon, les snipers sont de retour dans un premier temps sur scène. J'ose à peine vous demander pour l'album, mais est-ce que c'est trop tôt? C'est trop tôt. Ouais, vous voulez juste kiffer sur scène? Là, on kiffe sur scène. Et dès qu'il y aura des trucs à balancer, je crois que on entendra le truc. Et sinon, chacun en solo aussi, vous continuez pareil à bosser chacun de son côté. Voilà, ouais. À Keto, il y a un petit projet bientôt. Ouais, ça se mijote tout doucement, fait doux. Tunisiano? Non, moi pour le moment. Non, je suis vacancier. Non. Je suis sur autre chose. Blaco? Moi, c'est. Oui. Ouais, il y a un EP qui devrait arriver en février. Et c'est mes dernières traces dans le rap. Après, je retourne dans mon reggae. Ah non, arrête. Ah si! Ah non, tu vas pas encore recommencer. Si, mais en restant dans Sniper. Voilà. Voilà, mais voilà. Mais laisse une ouverture parce que bon. Ouais, je laisserai une petite ouverture. Laisse une ouverture parce que chaque fois tu nous fais le coup. Non, mais là, j'arrête. Petite brèche. Non, c'est que le rap actuel. Toi, c'est là, je reconnais pas. Je m'y retrouve pas, tu vois. J'aime le rap engagé ou le rap qui parle, tu vois. Qui emmène du sentiment ou qui emmène à la réflexion. Et je m'y retrouve aujourd'hui, pas aujourd'hui. Non, t'as deux pôles aujourd'hui. T'as soit le pôle t'es un fêtard, tu chantes la fête, ou soit tu chantes je prends les armes, je veux tirer sur tout le monde. Moi j'ai 38 piges, je suis dans aucun des deux camps, tu vois. Donc voilà, là où je me retrouve moi-même, c'est dans mon reggae. C'est le reggae, ouais. Le reggae. D'ailleurs, voilà. On salue le 974 qui est représenté aussi dans le studio. Avec l'homme Pixel qui est là présentement. Pixel, yeah, qu'on présentera aussi tout à l'heure. On repart sur une nouvelle session. Allez. Allez, allez, c'est parti, monsieur. Rocketji, fais chauffer la marmite. Oui, oui. Le cercle de feu. Defia Circle. Pour ceux qui se rappellent, Panam All Star Haroun Père. Tu représentes quoi? Paris baisse pas, tu connais le boulevard. Vas-y. À la goutte d'or, on s'en bat les couilles, que tu sois fort comme Hulk. Ça change rien, tes coups de pression, tu peux te les foutre dans le cul. C'est pas tes péripéties qui vont nous épater. Car aujourd'hui, à l'heure qu'il est, tout le monde il est tardé. A mon avis, tu ferais bien de retravailler ton intro. Car ce que tu racontes, c'est tellement dit que je pourrais te baquer en impro. Je sais pas ce que tu fous, mec, ni même où t'habites. Mais juste que chez nous, c'est le souk et c'est ce qui fait que ma plume s'agite. Funky, ça sonne comme Funky, mais c'est plus violent. Funky, ça sonne comme Funky, mais c'est plus violent. Funky, ça sonne comme Funky, mais c'est plus violent. Faut chanter la haine, tout comme faire chialer les violons. On va aller loin, une petite bande d'insolents. En se mettant dans la tête qu'elle peut croquer comme un rondolo. On est entrepreneur et comme c'est mort, on passe nos nerfs sur fond sonore. Et tout à notre honneur, les gens qui font ce mort, pourtant on est bastards. On mène une vie de sonar à la hauteur du bastard. Mano Kid Meux, ça. Vous représentez quoi? Donc on représente le 7-7. Plus grand département, donc fais gaffe à 7-7. Tout comme au billard, n'oublie pas ta gueule. J'ai du cosmos comme au manège dans les cuisines de gel. Le ciment, le béton, peut-être qu'on a l'amour du bloc. Spécial à Melun, à Meaux, au Détroit et plus fort. Qu'on fasse, qu'il faut qu'on fasse, nos bits à nos bits. 7-7, c'est le four à pain pour les crétins qui concrètent. Propre salut, on a nos propres manies. Du mets à Savigny en passant par Shell. Noisier les torsés, c'est les tombeaux de la nouvelle génération, nos futurs. Des fois en rupture de camisole, gare à vos figures. Garde un manche là si tu veux blesser. Ce qui te rend insensible, c'est ce peine insatiable. À quoi bon céder comme chaque mec de chape? Je veux t'aider la vache sans l'avoir offert à un quelconque sacrilège forcé. C'est quoi vos blagues? 13 et 16 et c'est du test, ton présentez quoi? Bagdad, Guelphare et les Yvelines. Arrêtez de parler, 7-8 du route comme Harley. Les Yvelines, capitale de la drogue comme Harley. Arrêtez de parler, 7-8 du route comme Harley. Les Yvelines, capitale de la drogue comme Harley. Arrêtez de parler, 7-8 du route comme Harley. Les Yvelines, capitale de la drogue comme Harlem. La rime c'est ma pute, faut que tu viennes dans mon harem. On est les Yvelines stars, les noms sont lâchés dans l'arène. Fais le tour, je marche sur les capots, ici c'est stand de tir. Dans l'Ouest profonde, ici c'est du sac, viens investir. On a le vrai style, la cause, braqueur de poste. Fais du pas mon place, on est sur écoute, va j'irai à 3. Moi quand je rate, je viens de ta ville, depuis des squads qu'elle faillit. Ça c'est chaud les Yvelines, bah ça peut être 7-8. Mais fais pas genre, tu sais qui c'est. Mais qu'est-ce que tu fais, c'est le territoire des hyènes. Chez moi viens pas glisser. Si t'insultes l'air quadri, vite, après ton marabout. Car je t'explique, en quelques secondes tu peux devenir une statistique. Tu sors Agnès B, la guerre à des codes barres, tout barreau. Tous des RSK avec des traits de barres, chaque carreau. C'est quoi vos places? C'est Nick et James. Vous présentez quoi? 91 et sonne, mais... Allez-y. Parlez mal de mon 9-1, mais n'y viens pas, tu seras pas en lieu sûr. Depuis qu'on prend le dessus, t'as plus qu'à te branler sur ma banlieue sud. Toi tu penses que c'est désert, que chez nous y'a que des gens. Sans être méchant, protège tes gens, t'as pas des gens. Pour mon bloc, même si la bac soulève les baccaras. La rage de mes kairas, c'est du carré, 91 carats. Nous c'est les mecs qui font du rap et des bêtises. Entre la tessie et la tise, entre le bise et le cuisse. Nous c'est les mecs qui font du rap et des bêtises. Entre la tessie et la tise, entre le bise et le cuisse. Nous c'est les mecs qui font du rap et des bêtises. Entre la tessie et la tise, entre le bise et le cuisse. C'est Nicky Jam, c'est pas 91 comme tu pars de chez toi. Mais quand tu veux des gros sous, bah tu repars de chez moi. Donc si tu parles mal de les sommes, mec, je pense pas qu'on s'entende. Tu voulais mettre à la main, mais le 9-1 n'était pas consentant. De riz s'orangisse, mais j'aime bien que ta meuf vienne jusqu'au parloir de fleurs et mérogis. Tu nous oublies parce que t'as pas goûté la banlieue sud. Je te répète, t'avais tout pris dans les sommes de banlieue sud. C'est quoi vos places? Salif, Zoxy, mec. Vous représentez quoi? 9, 2, les gros, je recharge, je tire une fois, et le public sait. C'est haute scène, sortez les fusils, les demi-chers. Je recharge, je tire une fois, et le public sait. C'est haute scène, sortez les fusils, les demi-chers. Gros, je recharge, je tire une fois, et le public sait. C'est haute scène, sortez les fusils, les demi-chers. Le rap est devenu zen, puis qu'on y traîne. Enculage du système, on dit hey, quand tu dis bang bang. Écarte bien le gousse, écarte bien le trou, écarte bien le trou. C'est Ponce 92, on fout le souk. On coupe nous, on groupe tout, on trop de coups. Tu veux un scoop, donne-nous un mic, un hook, on shoot. 92, sang rouge. Que les faux rappeurs se rangent, vu qu'il y aura pas 15 rounds pour se rendre. King de Boubou, ouais, on se tape tous pour se rendre. Parce que chez nous, y'a pas à dire, on est un peu tous franges. Allez, beaucoup de camps. Roux, prends et goûte mon son, c'est pas de la souche. Ça chaud, pourtant c'est cool vu qu'on est arrivé en paix. Pas de chaud, ça couille, mais t'inquiète, à l'arrivée on baisse. C'est quoi votre place? Tandem, Bibi. Vous représentez quoi? 93. C'est quand on a trop la dalle qu'on peut manger la gamelle. Y'a qu'avec une paire de couilles qu'on peut crailler du caviar. Oh, j'ai le cafard. Un frère au pagne, un autre en couille. Et moi dans je ne sais quoi, putain de squad. 93 hardcore, cerné par les forces de l'ordre. Sur les voyous, sur la grosse barbe et les putains de cernes. C'est la course sous la vie. Sur Robert, c'est la course pour le fric. Un putain de T-Max pour en espérer un max. Génération qui a réponse à tout. Panama Star et Wefrolo, je vais faire de ma vie une putain de retard. Faudrait plus qu'une vie tragique pour un ticket vers la gloire. Rappelle-toi qu'à Aubert, c'est sous le chant des gyrophares qu'on subit le choc des stupes. C'est sidérance, plus d'émotions qui pénalise ma verve. Et noircit mes mains ou maintes fois, je veux confronter à la froideur des chiens. À l'heure qu'il est, y'a des mecs qui sont payés pour penser aux questions que tu te poses. Dis-toi que chez nous, y'a que Marie-Jeanne et Jaco qui se marient pas. Dis-moi pourquoi je m'explique plus avec ma femme. Pourquoi ma vie tourne au drame et pourquoi j'arrive pas. Eh ouais, gros, c'est 9-3 les tireurs d'élite pour dilater ton rythme. Rappelle-toi que même les morts te commandent, ils sont d'or. C'est quoi vos blases? JP, 113, vous représentez quoi? Race, 9-4, poteau. Butry sur scène et ce Mike Polo, c'est la seule chose qui nous revienne de droit. 9-4 de droite dans le fond, on marre, genre d'une peine urbaine. Je vis ni comme un Hood, ni à la hollywoodienne. Bro, je te traumatise, ma couille. T'as le putain de matos et les magouilles. Mes blackos et mes rapzous, Hassoul, on te refroidit pour 300. Sur le drapeau, c'est pas une news, Butry 9-4 rime avec Bravo. C'est la mafia, les grosses frappes. Sur le terrain, y'a que nos petits frères qu'on palme. C'est la BS, gros, t'as la BS. Nous, les corias, on mange crème. C'est la BS, c'est la BS, gros, t'as la BS. Nous, les corias, on mange crème. C'est la BS, les institutions dans un bas d'acide avec les racistes. Faut qu'un signe, un classique, un principe. Dans ma banlieue, tu trouves du trafic et du plastique. C'est quoi votre place? Sniper, rimeur d'élite section. Val d'Oise, banlieue nord, tonton. Sorti de nulle part, des trous de balle. La région parisienne, on met 95 sur la Tocane. Dans le Zard du Nord, un pierre vient. Les hyènes participent au Delport. À Deuil, la baronnaire entre espace vert et côté obscur. S-N-I-P-E-R, y'a pas d'imposture. On s'entend de BR, la famille derrière pour me booster. D'ailleurs, j'en passe une pour les voisins du 93. Bref, tous les endroits où tu peux me trouver posté. Ouais, ça, t'es mal à riposte. La rage dans mes couplets. L'instinct pour faire couler au foyer ou au poste. Mais d'abord, c'est banlieue nord, pas les choses à moitié. Voyez là-haut, les picots ont dépassé Poitiers. Sniper, produit prohibé, fournisseur de matière inflammable comme JR et JP. Val d'Oise, ZF, la haine qu'on apprivoise. La de sourd à DDF, de taille la barre à toi. Serre les subs, c'est ici Blanco 9-5. Même si reggae mano, flow coupé. Val d'Oise dans le nord, j'ai un milité. Faut que je donne sa fort à mort, je vais représenter. C'est pour les Nine Five Zone, c'est du Snipe Krona. Je te le rappelle au cas où t'aurais pas gâté. C'est pour mon QG, ma zone, mon secteur, mon quartier. 9-5, j'ai les côtiers de mentir. Aïe aïe aïe, vous allez tous représenter comme il le fallait. Panama Star, le cercle de feu. Classico. Eh, je m'en fous de ta vie, me parle pas de tes exploits, de tes histoires bandits, t'es de moi carta. Eh, je m'en fous de ta vie, me parle pas de tes exploits, de tes histoires bandits, t'es de moi carta. Eh, je m'en fous de ta vie, me parle pas de tes exploits, de tes histoires bandits, t'es de moi carta. Respecte les vrais, pas ceux qui aiment ça raconter, qui donnent trop de mères en pleurs dans les pénitenciers, pour leur invétéré, au portable dans leurs cellules, du shit aux pilules, qui sont prêtes à tout pour manger. Incrédule, Mats Stolar qui coffre à 50G, un cul ou un sac à dos, peut-être à la recherche de son point G privé. Ta famille tout d'abord, c'est la chialer, maintenant tu rêves de liberté, mais fais gaffe au mirador. Et une fois dehors, là tu diras que t'as assumé, que t'auras fait ta peine sur un pied, et tu joueras le mec hardcore. Le B, y'a pas de mérite à avoir fait du placard, c'est des bétons, c'est que t'as pas été en mesure de les bébards. Dès le départ, tu gruges, mais là t'as pas fait le bon choix entre l'avocat qui connaît la loi et l'autre qui connaît le juge. Oui, l'état t'a tué, t'es rentré en tant qu'agneau, t'en es ressorti par un an depuis le silence des agneaux. Et jouer le pro, dis-toi que les vrais noms sont ceux qui n'en parlent pas. Se croire fort quand on les faibles, se croire digne quand on les bat. Quel talent, quelle valeur, ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quel honneur, se croire fort quand on est faible, se croire digne quand on les bat. Quel talent, bien chanter les classiques, ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. Le mérite, c'est ce qui rend une personne. digne d'estime. Beaucoup veulent en tirer gloire et n'en ont aucun. Ok, t'emballe pas si vite, arrête de croire qu'on va te décerner une médaille pour ton vécu. C'est comme les enfants de stars qui ont toujours tout eu et qu'on retrouve du jour au lendemain sous les projecteurs. On t'a mâché le travail, c'est sûr, ça aide. Y'en a qui se cassent le cul et qui perceront jamais. Pas de mérite, t'as laissé une femme seule élever son fiston. Crash, crash, semant, veux pas, rassure. Tu t'es sauvé, t'as pas assuré, mate les conséquences. T'as mérite à faire la misère en plus faible. Ça va t'es sa meuf, vous arracher le cœur, des vieilles. Où est le mérite, t'as glorifié la misère. Envers son fond de commerce, en jouant la carte de l'émotion. Et on est tous à fond de temps devant leurs émissions. La télé se met à fabriquer des stars de la chanson. Et on est tous à fond de temps devant leurs émissions. La télé se met à fabriquer des stars de la chanson. Et on est tous à fond de temps devant leurs émissions. La télé se met à fabriquer des stars de la chanson. Moi-même j'ai pas de mérite à dire si t'as du mérite ou pas. J'ai que j'en ai peu par contre. C'est pas quand on est faible, c'est pas digne quand on est pas. Quel talent, quelle valeur. Ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. C'est pas quand on est faible, c'est pas digne quand on est pas. Quel talent, quelle valeur. Ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. Quand tu lèves la main sur ton gosse, quand il part à l'école avec tes bosses, dis-moi, te sens-tu fort? Quand sous alcool tu frappes la femme, quand elle a peur, quand ses yeux sont remplis de larmes, hey, te sens-tu fort? Quand tu prends soi-disant des vacances, quand tu pars à l'étranger pour aller briser une enfance, te sens-tu fort? Quand tu vends la mort en bas dans la rue, quand tu profites de la faiblesse d'une âme perdue, quand tu insultes ou parles mal à celle qui t'a porté pendant 9 mois, te sens-tu fort? Quand tu raquettes ou victimises quelqu'un qui est plus faible que toi, te sens-tu fort? Mais dis-moi où est le mérite, j'arrive pas à comprendre, peux-tu m'expliquer? Sur ton cas, faut que tu médites. C'est pas dans les yeux, mais pas la vérité. C'est pas quand on est faible, c'est pas digne quand on n'est pas. Non, quelle valeur. Ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. C'est pas quand on est faible, c'est pas digne quand on n'est pas. Quel talent, quelle valeur. Ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. La Nocturne Classic Tour de Sniper en live ce soir dans l'émission. Yeah, yeah. Ah, ça fait plaisir tous ces morceaux. Grave. Mixé par Rock G à l'instant. Rock G, il est trop fort Rock G. Ah, ça fait vraiment du bien. Ouais. À pas louper, donc tu disais Blacko 22, c'est voilà. La prochaine date. Le 22 novembre au Zénith de Paris. Si vous voulez venir partager les classicos, le Snipe Classic Tour est là pour vous, donc venez nombreux, vous amusez avec nous, partagez la bonne vibe. Ça a été bon d'ailleurs, ça va être trop compliqué de se remettre ensemble sur scène, et les réflexes reviennent vite. Bon, c'est comme le vélo en fait. C'est ça. C'est ça. C'est revenu direct. Un peu d'huile sur la chaîne et ça roule tout seul. Un bon bidon d'huile et hop, c'est reparti. Et c'est reparti avec nous. Et d'ailleurs, parce que tout à l'heure, on abordait un peu les solos. Vous êtes tous aussi en différents concerts ou showcase aussi prochainement, je crois. Moi, je suis à la soirée Coq la Cour qui a lieu au Cabaret Sauvage le 19, samedi 19. Donc samedi. Voilà, soirée réunionnaise avec moi-même, l'homme que l'on appelle Pixel qui est ici présent. Il y a DJ Dan aussi pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, viens aux autres nombres, mon bon, ça me met la vibe, ça me met la réunion en l'air. Ouais, voilà. J'aurais pas dit mieux. Et Tchetch aussi, non? T'es où? Ouais, j'étais où? Ouais, Tchetch, t'es où toi, Tchetch? Demain soir au Old Dirty Festival à Montpellier. C'est un truc organisé par l'Or Noir, c'est sur 3 jours, ça a commencé depuis hier. Donc il y aura la Scred, le Gouffre, l'Indice, Kondo, CR lui-même, que du beau monde. Donc ça se passe à Montpellier, à la salle Victoire demain soir. Voilà. Et moi je serai dans ma chambre. Et toi, tranquille, je fais un petit showcase privé sur FIFA 17. Rock G veut s'exprimer, excusez-moi, je suis désolé de Rock G. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sois le bienvenu. Je suis au XS juste après. Ah, voilà, Ouais, j'en parle ce soir, là, avec qui, avec qui? Bah, avec toute la famille. C'est une grande famille, au XS. Bah, dédicace à DJ Abdel. La question, où est le XS? Où est le XS? Bah, c'est à Quai d'Ivry, de l'autre côté du périph. Et donc ce soir, là, juste après la nocturne. Juste après, on enchaîne. Il faut aller faire un tour, prendre la bonne vibes avec Rock G. Voilà. Il y a plein de bonnes galettes à vous donner. Rock G qui vous accompagne aussi sur scène. Exactement. Je tiens à préciser aussi. Voilà, depuis long time et voilà. Qui est sur ce classique tour à pas louper. On va repartir avec une nouvelle session. Tiens, présente-nous, Pixel. Bah, il peut venir parler un peu avec nous, bien sûr qu'il peut venir parler. Bah, viens, Pix. Donc, lui, il vient du 974. Voilà, il vient de la Réunion. C'est un artiste que j'affectionne beaucoup, tu vois. Qui est polyvalent, rap, reggae, dancehall, ce que tu veux. Donc, Pix, présente-toi, frère. Yes, allez, salut, Pixel, artiste réunionnais. Voilà. Bienvenue, comment ça va, Pixel? Ça va, super top, ouais. Nouveau départ, si je te dis nouveau départ. Ouais, bah, le titre de mon album, mon premier album. Ouais. Donc, il est dispo maintenant? Ouais, dispo depuis le 23 septembre. Donc voilà, vous pouvez récupérer donc Pixel. Il faut écouter, il faut aller checker, il faut aller prendre la vibe, c'est bon, c'est bon. Et on va écouter un morceau d'ailleurs, Pixel, maintenant. Ouais, vas-y. Je crois bien, on part sur... sur quoi? Cascolé. Cascolé. Ouais, cascolé. Allez. Un petit coup de cascolé. Pour notre bande, ça. Yep, yep, yep. C'est parti, Pixel. Ouais, ouais, ouais. 974, ça. 974, ça. Casse-toi les yeux. Ok. C'est l'album marqué à vie. Monsieur Bors, son art hyperactif comme si j'avais bu 12 cafés. Je me fais rare comme un com positif sur 12 cafés. Je vis à l'écart pendant que ces clébards ne font que taper. Couche tard, va savoir pourquoi ils veulent tous rapper. En trafiquant les narines pleines de perles, pimpin. Quand j'ai des viands, sont stupéfiants. Autant qu'un cycliste italien, je parle pour les miens. J'ai l'âme du compétiteur. Des rappeurs crèveraient pour être endettés sur Twitter. Ray, allez, viens, frérot, je te mets bien. Puis l'enfant, je crée l'écart. Choquer la France, 95 nez. Toutes leurs conneries vont différer, inimitable. Et nous, il n'y a plus rien y faire. J'ai le diable dans le coffre, j'ai défoncé. Jésus, c'est le pilote. Dans un coin de ma chambre, le rap français. Oh, j'accélère loin des négros vrais comme le cul à Nicky. J'entends, tu sens un disque, y'a des featuring. Mais t'as Mickey. J'envoie du ring, du liquide dans le sang sur le game jury. Y'a rien de dansant, Dieu est seul juge, c'est jamais le même jury. Personne ne bouge, des fourrailles sec au premier geste brusque. Dans ma secte, on fait dans le chocolat, dans le jet de bruche. C'est vrai, le noir, les arabes sont trafiquants pour la plupart. Sixième show. Les trous, les fourniraient sont blancs pour la plupart. Et on fait quoi une fois qu'on a dit ça au public? Je te nique avec l'accent de l'autre côté du périphérique. J'ai mille fois tenté de me faire comprendre par ces gens. C'est mille fois tenté de me faire comprendre par ces gens. C'est mille fois tenté de me faire comprendre par ces gens. Ces types bourgeois n'ont jamais arpenté d'endroits indécents. Et je suis courtois, pas de ceux qu'on fait leur classe en les chants. Froid et sourd, moi je les fais chier. Attends, je vais t'apprendre à t'étendre. Ma vérité est boycottée comme Cassius Clay ou Farrakhan. Ta liberté localisée sur une petite île à Manhattan. Tel un suc dans la tasse, mais la France c'est pas un café. Bors 900, 400 litres, on la peser. Moins 230 kills tunisiano, ça doit peser. Miguel Bastos, deuil la bombe. Appelé à la barre, musique à pompe. Où est le matos, tricard même sans la barbe. Violence, weed et alcool brun. Chez nous c'est le terroir. Parfois la dalle la bille en Heisenberg. Les Walter White, la face cachée de l'iceberg. C'est pas du freestyle mec. T'es comme attaché à ma cam, un genre de cristal net. Le rock a perdu ses couilles, le rap a changé de sexe. Allez tous au bois, suivez le conseil à six coups en access. Prime time, tu ne verras pas kicker, je me mêle pas à leur foule. Autant voir le président du crime faire une quenelle. À la fouille, j'ai laissé le sourire, l'ADN sur la scène du crime. Fais la musique du diable, pété au sang du Christ. Que des buzz prématurés, plein de carrières dans des couveuses. J'ai un crash test, c'est un go fast, ta zig fait l'ouvreuse. Trop de fans, je suis un peu dexter, j'ai que des putes sans gants. Y'a moins de fans que des experts suceurs qui sont sans dents. Je constate sur les propos à Guerlain. Je me libère la prostate. Loin de Place Vendôme, de l'avenir à Robb Stark. Maître de mon royaume, le roi d'un château de cartes. Tu veux faire un peu de promo, franchir des barrières. Parle pas de juifs et d'homo si tu veux un semblant de carrière. T'allais faire un peu de promo, franchir des barrières. Parle pas de juifs et d'homo si tu veux un semblant de carrière. Faire un peu de promo, franchir des barrières. Parle pas de juifs et d'homo si tu veux un semblant de carrière. À l'heure où les lobbies nous font mentir, repli communautaire nous a montré que l'on ne peut plus rien dire. La mort est soudée, le cercueil fait de la déco. Ça vient de veille, Villiers de Belle, toutes les villes à déco. La soirée mondaine, je traîne dans des tripots. Oui, je préfère qu'ils me craignent, qu'ils me saignent et m'appellent amigo. Vente de soie, Et l'appartenance. Oui, et 5 me faire taire, tu vas faire comment? la colère à un département. 9-5 et l'appartement. J'essaie de faire les choses, frère, que Dieu me guide et me facilite. Pas là pour faire dans le misérabilisme ou faire chier les dents les chaumières. Je me suis fait un récit sans les barres de nouvelles. Pour peu que je me souvienne, les gens n'ont pas les problèmes. Dans mes factures, ça me fait pas prendre des lots. Comme on dit, ça m'en touche sans faire bouger l'autre. Anesthésie sous pédo, je me suis remis sous traitement. Je fais mes gueux trous secrètement. C'est que les gens soient sous mes côtes. Mauvais oeil dans le périmètre, fléchette dans ta rétine. C'est belle quand ça rétine. Vous aimez faire une pipelette, dégoûté de la vie. Je vois que c'est pour faire, je crois que ça se passe bien. Illuminati à la tombe à Calva 5. Fuck la musique, moi j'écoute les tam-tam de l'Afrique. Fuck la musique, moi j'écoute les tam-tam de l'Afrique. Fuck la musique, moi j'écoute les tam-tam de la frige. Rien à pas de ta frime, les couilles sur la table, je rapide. La flamme, cristal radial, tranchant comme le clé. Mes souvenirs ont pris une place beaucoup plus grande que mes rêves. Surtout c'est dans la merde que poussent les plus belles roses. On s'organise, on crée nos propres trucs avant que tout explose. Mon kick, big up Lausanne, big up la Suisse. Vroom. Ah oui, Rock a G. J'apprécie les chansons qui parlent des crèves comme moi. J'apprécie les chansons qui parlent des crèves comme moi. J'apprécie les chansons qui parlent des crèves comme moi. J'en parle de toi, je me fais fasciner par les hommes de foi. À force de vivre comme on vit, la fournaise tout dans les bras. J'ai continué de creuser même en tombant très bas. Tétanisé à l'idée de crever dans cet état. Étrange paradoxe, je me prépare aux grandes catastrophes. Prends chaque jour qui se lève comme une chance de plus de se racheter. Je me paye le luxe de rapper, faut que je fasse ça propre. Pas de place pour la peuprée. Les mains qui te passent la meugrée sont celles qui te passent la corde. J'ai pas besoin que tu me passes la force. Je sais ce que c'est d'être en haut. Me souhaite pas le succès, j'entends comme un c'est en trop. Les bourreaux font les philanthropes. T'es moi, qui est-ce qui se frotte les mains? Pas besoin qu'ils tirent les ficelles pour qu'on devienne ennemis. Les synthés sautent devant témoins. Les chiens à bord, la caravane ralentit, rafale dans leur museau. La nocturne spéciale classique tour avec Sniper, le morceau à l'instant Aketo, morceau d'Aketo en solo et Aketo. Donc projet, nouveau EP prochainement aussi. EP, je sais pas, mais. Ah non, non, c'est Black Ole. Ouais, ouais, c'est moi. Ouais, pardon, autant pour moi. Ça, c'est un freestyle que j'ai envoyé comme ça sur YouTube, sur la chaîne Funky, qui en a trois en tout. Il y en a, voilà. De temps en temps, j'alimente, je vois un truc. Petite session freestyle. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller cliquer, à aller suivre les réseaux sociaux des membres des Snipers aussi. Et avant de partir mardi au Zénith de Paris, 22 novembre. Ah oui, oui, oui. Petite halte dans la nocturne. Il y aura aussi ensuite les dates à Toulouse, à Nantes. Et Rennes. Et Rennes aussi. C'est ça. En attendant d'autres festivals aussi, voilà, en 2017. Ouais. Qui arrivent sur la route. Plein de choses sur la route. De toute façon, pour tout savoir, ça se passe sur Sniper Officiel, sur Facebook. Faut cliquer, faut regarder, c'est annoncé. Allez faire un tour, allez cliquer, allez annoncer. On repart pour une nouvelle session Rock G, quand tu veux. Rock G. Et pourtant on était en 2001 si je me rappelle bien. Écoute ça yo, on est pour toi. Lyrics, Punch Life. Ah ouais. Doucement yo, doucement. Allez. Doucement yo, tu vas tomber. Soit au sol, soit derrière les bras. Tu te rappelles? Réfléchis, je parle de pour les petits frères, les petits trains. Que les autres, vu que toi tu lui ouvres les portes. À quoi ça sert? À rien. Agir de la sorte, c'est plus les bras de la maman, mais la haine qui te réconforte. Et t'as arrêté l'école sans même savoir pourquoi. Oui. Depuis tu galères, oh youth, regarde-toi. Non. T'avais promis à la maman de trouver un emploi. Et tu le fais pas. Mais toi t'assumes voilà. Pas, elle n'a plus confiance en toi. Tu sors le soir, rentré le lendemain. Oui. Tu consumes ta vie comme tu consumes tes choix. À cette vitesse tu n'iras pas très loin. Mais qu'est-ce que vous ton bout, trop vite, comment trop vite, continue à faire con. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Trop vite. coup de fil. Pour toi tout est normal, tu te sens même pas aigri. Ah ouais. Tu sais même pas qu'elle sait où sont cachés les yébis. Ça fait long time qu'elle a capté ton elle connaît tout. Mais quand tu lui fais peur, elle se désunit. T'as pas de père, seulement un grand frère. Comme lui tu veux le respect, comme lui t'as un revolver. À ta prochaine visite, demande-lui, demande-lui. Demande-lui si c'est toujours bon d'être un gangster. Quand on court trop vite. Redonne-lui le sourire. Voilà. N'écoute pas les engraineurs. Écoute laisse pas. Les autos détruire. Voilà, sois, laisse plus laisse sois plus intelligent, Youth. Sois plus intelligent. Balance un Jack, héros de la tête, le surnom Jack. Bienvenue dans mon univers, soit je suis au Jack, ou sur un gars en train de boire un verre. Oui, dans un terrain, en train de repeindre ou dans un nez. En train de rentrer un petit panel en pleine circule. Un 5-7-10 Arabia pour ceux qui savent. C'est pour bosser que je me mère qui m'a toujours eu la rata. Gros bisous à la RTA. Mon petit délire, la vie et ses petits plaisirs. Comme d'un ma couplet sur une prod boy. Et hop là, j'avance encore, passe à un autre stade. Un autre style, viens dans mon monde, j'ai la bonne vibe. Un deuxième art, rouge tard et rêveur. Un jeune débrouillard qui mène une fille de baroudeur. J'ai les deux pieds dedans, la tête dedans. J'suis dans ma sphère, je paye les dents. Souvent les pensées perdues loin dans les étoiles. Votre moment m'a fait peur, j'ai dû mettre les voiles. Jaune vert, ouais. Où l'homme devient lion et porte une crinière. Un monde parallèle, sans barreaux ni frontières. Un monde où les ténèbres sont aveuglées par la lumière. Yeah. Le système a rendu schizophrène, ouais. Je me suis fait une planète en rayant les hyènes, les chiennes et les gens malhonnêtes. J'ai zappé la futilité, jeté la prise de tête. Bayonné et enchaîné, jeté la prise de tête. J'ai zappé la futilité, jeté la prise de tête. Bayonné et enchaîné, ma démarche chanté, chanté une tête. C'est vrai que je suis un peu rêveur. Toujours. C'est vrai que je suis un peu rêveur. Encore. C'est vrai que je suis un peu rêveur. Médicalement parlant, je suis atteint par syndrome de Peter. Car le vrai fait peur. Je ferme les yeux dans le métro. Regarde les gens, on dirait qu'ils pleurent. Un petit reggae music dans le Walkman. Et à la place du béton, le lion passe à sa vanne. De tour en tour, je vois le diable qui saute et qui ricane. Ils me suivent m'épuiser afin que ma foi se fane. Dans mon monde, les oiseaux parlent et m'avertissent. Ils me disent qu'on tombe perdu et son fils. Je suis bien dans mon monde et j'y resterai. Je reviendrai dans le vrai pour me faire enterrer. Allez, c'est Marc, couche tard et rêve. C'est perdu loin dans les étoiles. Votre monde m'a fait peur, j'ai dû mettre les voiles. Sniper classique tour. Viens dans notre monde. Ça se passe le 22 novembre au Zénith de Paname. Si tu connais bien, si tu connais pas, viens découvrir. Allez, tu comme une fléchette et vite profite. Je suis valant, ta superficie, tu t'inquiètes. Et ça commence, et ça commence. Allez, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, classico, hop, hop, hop, hop, à l'époque où ça chambre est dure dans le hall. Je vous présente, allez, Aken, il est pointu comme une fléchette. Et puis profil équivalent de la superficie du taquet. Il est comme une baguette. Il y a un zen en acier trempé. Et son nom, il signe à la pointe de son nez. À mes côtés, Tunisiano, et qui a une mâchoire d'acier. Quand il était encore marmot, il était chiné, il était chiné. C'est dans les slips, faisait sur n'importe quoi. Même dans les chicots. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Tony, a les chicots en freestyle. Les chicots, elles sont comme ta tête soirée. Abusé, même accompagné, tu rentres pas dans les soirées. Je parlais avec mon 3D, t'es mal. Ils manquent plus que les lunettes qui vont avec pour un effet garanti. Est-ce un homme ou un mutant? Un homme ou un pélican? T'as la stache, moi d'Artagnan. T'es galpé comme ma garde. Ce qui paraît, la dernière fois que t'as mangé au resto, t'as mis la fourchette dans ta bouche. Tu la croyais faux? Pas déconner avec la pression que t'as dans la cheboue. On peut te lâcher sur un bouton à rote et tu les chic au cou. Sensationnel. Par pression à chaque narine. Vraiment? Un orifice respiratoire exceptionnel. Sois mignon, tu veux pas rendre un petit service. Les pneus de ma caisse sont dégonflés. Tu veux pas mettre ta coup de pression? Attention, tu veux partir. Dans X, je vais t'allumer dans mes lyrics. On va t'acheter une muselière, je vois que tu croyais tu risques de bousiller les matos, alors t'approches pas trop du mic. C'est fini entre tes chicots, c'est il va falloir tu racks. Ah bon, c'est comme ça, tu rentres dans des rapports de force. Et ouais, c'est un héros, une corne de rhinocéros. Attends, t'es mal les bosses, ton front c'est un terrain d'ag. On peut faire de la bécane des crosses, on a envie de faire tout. C'est agréable, surtout quand t'es en chien de fumeux. T'as l'impression de planter des sames, franchement je trouve ça malin. On garde son calme, on garde son calme. Toi t'es dans ton portable, j'ai dit qu'il y a match. Il a dit t'es un ton portable. Aketo 1, maintenant de suite, bien sûr. Maintenant, Aketo, petit gâteau, t'es galbé comme un cerf-volant. Dès qu'il y a un courant d'air, on te retrouve sur une terre étrangère. À la pesée, 23 kilos et 30 centilitres de sang. Et le matin, pour démarrer, tu t'aides d'un pacemaker. Avec ta mâchoire d'homme de gros magnon, tu fais peur aux enfants. Surtout, est-ce qu'il se passe un sourire à un second de moins de 16 ans. C'est en plus de ça, t'as le front à Frankenstein. T'es un vrai film d'épouvante à toi tout seul. Et en plus de t'as un zen tranchant, vachement bien affûté. T'as fait la bise à une femelle, manque de peau, tu la balafres. Tu fais trop de bavure, alors pour limiter les dégâts, tu dors avec un bouchon de liège pour pas découper les draps. Ton dentiste est poussé à bout, ça y est, tes pets sont ressorts. Il t'a confié à un vétérinaire, ta chevaux est trop hardcore. Fais des films gore, en plus en ce moment, il recrute ta mort. Y'a le silence des agneaux 2 qui se prépare, tu peux faire. Je fiche pas, chaque fois que tu te mouches. Merde. Ton Kleenex se transperce. La dernière fois que t'as éternué, d'un chien tombé à la renverse. Attends, fais voir ta bouche, y'a un chico qui s'échappe derrière un autre, ça fait double dent pour mieux mastiquer tes proies. J'ai dû appeler les pompiers pour qu'ils viennent te prêter ma forte. T'as regardé à l'œillet, t'es resté planté à la porte. Hey mec, si quelqu'un cherche des pièces détachées, moi j'ai un bon plan. Ramener des caisses et un peu les mâchouiller, on a rien. Et ouais, à Kesto, regarde le corps que t'as, la trompe que t'as. Et moi je te parle même pas. Mais toi quand tu commandes à boire, t'enfiles ton zen dans le verre. On dirait que tu bois à la paille. Tu es allé à la piscine, ils ont dû évacuer tous les bassins. Piranhas de la ville. Franchement toi je t'estime, t'as plus de pêche qu'un ventilo. Dès que tu te mets à respirer, on dirait qu'on a mis la clim. À la limite c'est pratique, tu coupes même du teuteu. Et ouais t'étais, c'est un zen ou un sèche-cheveux. T'es un homme ou un Playmobil. T'es un homme ou un javelot. C'est le bouchon des chats. T'es resté planté au mur. Tu parles. Tu parles. J'ai rippé les règles. Votre attention, s'il vous plaît. On se calme, on garde son calme. Verdi. Après l'on est dit, délibération. Je discerne le match nul. Le match nul. Mais non. On en reste là. SMU. On en reste là. J'en avais oublié des petites punches de ce morceau. T'es ouf. On attend toujours que tu rentres dans l'histoire en fait, Blacko. Moi ouais. Non, c'est entre eux, hein, c'est vrai. C'est... Non, toujours pas, non. Ouais, c'est entre deux, c'est... Ils doivent régler ça. Il faut régler ça, peut-être au Zénith. Ah, peut-être bien. Bon, ben merci en tout cas, les gars. Hein. Ben pas de soucis. C'était un plaisir, franchement. Plaisir partagé. On en reste là alors ? Ouais. C'était pas mal la suite. C'était plutôt sympa. C'était la suite de mardi. On a un dernier pour la fin, non ? Un petit dernier. Je crois que tu voulais qu'on fasse aussi un morceau. Ouais, j'aimerais bien mettre un dernier pixel. C'est lequel que tu. Dans le vide. Dans le vide, ouais, c'est ça. C'est ça. Dans le vide, et puis on finit. L'album Nouveau Départ, pas oublié. Dans le vide, pixel. Allez écouter, allez partager, donner la force. On va écouter ça, et puis on finit avec un classique de Sniper, peut-être. Ok, bah allez. Que vous en pensez, les gars ? Volontiers. On est bon. DJ Rock G sur le mix. Tu aurais dû me fuir, mais tu as préféré me suivre. On y va sans réfléchir. Ah ouais. Mais comment peux-tu sourire quand on avance en même temps dans le vide? On s'aime tant, et pourtant on se fera du mal tant qu'on sera en vie. On s'aime tant, et pourtant quand nous connaît puis où ça faut aller. Ensemble on a tout ça pour aller. Nous t'es fait l'amour et n'a fait la guerre. Tout t'es pour mailler. Depuis le temps nous restons vivants. Nous t'es ensemble, au lieu vivre et sans présent. 9-7-4-20. Nous t'es ensemble. Ensemble. Je t'ai avoué ce que je suis. Ensemble. Et tu restes quand je te dis. Il sera là la soirée contre la cour. Tu aurais dû me fuir. Mais tu as préféré me suivre. On y va sans réfléchir. Mais comment peux-tu sourire quand on avance en même temps dans le vide? On s'aime tant, et pourtant, nouveau départ, du mal tant qu'on sera en vie. On s'aime tant, et pourtant, tu m'en voulais à mort, les autres me jugeaient à tort. Ma faute encore et encore. Mais vois-tu l'envers du décor. Tu dis pardonne-moi mais ça recommence. Pardonne-moi et je recommence. Nouveau départ disponible, va cliquer, va écouter. On a su s'arrêter, pourquoi recommencer. On a vu commencer. Où tout a commencé. Des paroles qui au final auraient dû rester cachées dans nos pensées. Après ce qu'on a vécu, plus rien ne peut nous blesser. Après ce qu'on a vécu, plus rien ne peut s'effacer. Tu aurais dû me fuir, mais tu as préféré me suivre. On y va sans réfléchir. comment peux-tu sourire quand on avance en même temps dans le vide. Soirée CLK, on sait la Pixel rayonnée. Ouais, nouveau départ, va le chercher. Pas du mal tant qu'on soit en vie. On s'aime tant et pourtant. Si vous voulez prendre la vibe, ouais. Océan Indien, ça. Il réchauffe à où, hein? Oui. Sur l'album Nouveau Départ, Pixel. Trois comme plaque tournante. Où ici tous vont, tous mentent, tous vont de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les grandes balais. Grand ou gringalet, les armes vous êtes là, la arme qu'il fallait. Le plan est pas dans le matelas. Des mains, les petits ont faim, ont des crampes à l'estomac. Pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à chromat. Et rate pas ton coup, gratte pas les gens. Assister des temps modernes et voleurs par tous les temps. Grand, les petits boss, pétard, puis ils bougent. Expérimentos, ton fils. Ils tombent pas la main au feu rouge. Et les gros Beretta, comme y'a les soirées ghetto. Et puis les soirées ghetto, tous la coupe en le méta. Des crampons, un grand pont, y'a la loi de l'omerta. Vend les ch'tards, ferme-la, grand con. T'as la frousse, donc tu tousses, tu t'expliques. Ferme-la, couche, les teufs connaissent l'odeur de ma pousse. J'habite où j'ai grandi, au quartier, pas d'MJ. Trop de bits, peu d'MC. Trop des pires pour t'infléchir, oui, des balles pour réagir. Mais c'est pour vous, rancier, un crime impuni. De la grâce dans une mosquée, du mirail au bosquet. Engrenage dramatique, fait les boules de neige. Photomatraquage médiatique. La France en deux, Sarko, t'offre à la vache, à l'éléphant bleu. Tu parles de Karcher, tu vises la France en deux, Sarko, t'offre à la vache, à l'éléphant bleu. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle, ne peut qu'on arbre, qu'il suffit de voter. Je t'entends des connards. Brûle, brûle, Babylon brûle. Je t'entends des cris, trop tu dures. La chaleur prend fond des barreaux des cellules. Qu'un incinère ton système qui part en testicule. Fire roll. Babylone brûle, je t'entends de crier pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, non, pas contre, on recule. Un morceau lance-flamme pour la jeunesse qui tente. Plus je grandis, plus je vois que tout va travers. En fait, plus je grandis, plus je vois que tout va travers. En fait, on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers. Plus je grandis, plus je vois que tout va travers. En fait, on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers. Est un virus dans tes programmes, il désinstalle, il nique, et puis tout rambonne. Bon, bon, bon, je fais personne ma bonbonne, rempli de vibes trop bonnes. Man, j'ai sorti my weapon. Comme dirait Jaguar Gorgon, je viens foutre le fire, je crache des flammes comme un bravo. Nique le système, ils auront le feu car ils ont feu, mais la haine compte. Nique le système, ils auront le feu car ils ont feu, mais la haine compte. Allez, pensez ça qu'on voulait niquer. Nique le système, et on les veut toujours d'ailleurs. Ils ont feu, mais la haine compte. Ils produisent les grands loups qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a la rage qui coule dans. Il faut briser les chaînes. L'esclavage est mental et modernisé. Vous nous marchez sur la gueule, vous nous méprisez. Man, t'étonne pas si ta caisse est carbonisée. Je te pisse dessus. Peu importe qui s'est sorti pisser. Brûle, Babylone brûle. Je t'entends crier pour que tu hurles. Que la chaleur passe fond des barreaux des cellules. Qu'un incinère ton système qui part en testicule. Fire brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends crier pour que tu hurles. Un morceau lance flamme pour la jeunesse qui tente. Je l'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rap. Je l'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler. Ça fait 30 ans qu'ils font que tu parles d'intégration. Je l'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler. Ça fait 30 ans qu'ils font que tu parles d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que l'on sait. Pas du refus, c'est juste un fait. J'ai vu, je sais, et le fossé se creuse de plus en plus. Tous ces mythos font leur buzz. Sans l'insécurité, je sens la peur des gens. N'hésite pas à draguer l'électorat du front. Si je sens que l'histoire se répète, j'entends parler du rôle positif de la France durant les colonies. Putain, c'est quoi ces conneries? Quand nos pères étaient utiles et productifs, ils étaient bons. Mais quand leurs fils crient vengeance, ils sont bons pour la pays d'origine. La France, un pays régie par des irresponsables qui multiplient les maladresses. Te demande pas pourquoi j'agresse. Je m'adresse à son premier flic, un mec qui nie les faits, qui salit la mémoire des victimes, qui met de l'huile sur le feu. Comportement indigne. Tu as potentiel pour ambition, tu vas aller dans les kills. Brûle, brûle, Babylon brûle. Je t'entends des cris épongulés. De la chaleur brasse fond des barreaux des cellules. Quel matinaire consiste qui part en testicule. Oui, voyons. Babylone brûle, je t'entends de crier quand tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais on va le compte, on recule. Un morceau lance, va pour la jeunesse qui tente. Ah, yeah. Ouais, élection 2017, c'est toujours la même merde. Entre peste et choléra. Ah ouais, le cancer roule danse. Eh ouais. Nicolas François. Ah, autant vous dire, j'ai envie de faire cette belle transition, que le Zénith va brûler mardi. Voilà. On voulait pas, elle était facile celle-ci. Merci à vous les gars en tout cas. Merci à toi Geoffrey. Toujours un plaisir de retrouver SNIPER. Et donc sur scène, le Classic Tour, c'est mardi, c'est du côté voilà. Du Zénith de Paris. Il reste quelques places. Donc, il reste quelques places, dépêchez-vous. Il faut venir partager la vibe. Dépêchez-vous, sinon il sera trop tard. Exactement. Il sera trop tard en plus, à ce qui paraît, quelques surprises. Hein? Ouais, il y a des petites surprises, tout ça. Donc, c'est pas ce qui paraît. Hein. Mais c'est pas ce qui paraît. On peut pas dire si c'est une surprise. Venir. Une surprise, c'est une surprise. C'est comme un Kinder, tu dis qu'il y a une surprise, mais tu sais pas ce que c'est. C'est con. C'est con si tu savais que c'était un petit truc à monter. Ça va partir. Je suis là dans le studio. Merci à vous en tout cas, les gars. Merci à toi pour cette session classique. Merci à Rock G qui était là. Et Rock G qui file au XS, j'ai bien compris. Rock G, XS parti. XS parti. Demain. Si tu t'ennuies, file au XS, Rock G sera là pour t'accueillir. Il a mis ça. Demain, Blaco, t'es où demain? Demain, je suis à la soirée Coq Lacour. Donc, venez nombreux, viens Azote, nombreux. Reviens, partage la vibe. Et à Keto, t'es où demain, toi? Demain, je suis à Montpellier. Il y a Rock G qui m'accompagne. Bang, bang. Et Tunisiano, demain, t'es dans mon salon. Voilà. Ça a changé. Tout à l'heure, t'étais dans ta chambre. Donc, ça, tu bouges un peu, en fait. C'est à quelques kilomètres. La home tournée. La home tournée de Tunisiano. J'habite dans un château. Voilà, à suivre sur les réseaux sociaux. De Tunisiano. Merci à vous. On a pris vraiment beaucoup de plaisir, une fois de plus. Yes, I. Big up à tous. Et puis, on vous attend donc 2017. Plein de projets, plein de choses. Yes, I. Sur la route. Sur la route. Voilà. Mais pas n'importe laquelle. Non. C'est bon. On était avec Sniper sur Skyrock. Prochaine nocturne dans une semaine. Ciao. Big up Pixel. Du rap et du R&B. Turn it up.